Ça me saoule Noël qui arrive là. Bah pourquoi? Bah c'est relou, tu dois offrir des cadeaux à plein de monde. Bah ouais mais bon c'est la tradition. Bah oui mais bon ça coûte cher la tradition là, avec toute la thune des cadeaux là, je pourrais me payer un week-end au soleil. Là. Je crois que je vais rien offrir cette année. Ah ouais mais bon. Bon, tu m'offres quoi toi pour Noël? Bah rien du coup. Quoi? Bah putain ça se fait pas et... Franchement je suis vexé hein, t'es vraiment un radin. J'ai envie du bonsoir, c'est Maître Peters. Quand c'est du soir dans le radio, moi j'écoute Michael hein, de 21h jusqu'à midnight. Hein. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est du Michael de 21h jusqu'à midnight. Et c'est Maître Peters qui le dit. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Non, mais ça, on l'avait. Oh. Oh là ça là. Va, Mike. On est tranquille aujourd'hui, ça fait du bien. Ça va mal. Il y a quelqu'un qui parle, je crois, mais on l'entend pas bien. C'est drôle ça, mais le rôle avait dit, hein. Laurent l'avait dit, c'était avant-hier, il avait dit ça ira mieux et puis après c'est la rechute. Et la rechute. Ah oui c'est plus qu'une rechute là. Voilà, mais c'est-à-dire que je suis dans le trou là. Une énigme ce soir peut-être à trouver dans Fort Boyard. C'est drôle ça. C'est quoi? Excuse-moi, on t'entend mal. Drôle. Drôle. Attends, pour une fois que je te fais un compliment. Ouais. Ah mais ce qui est bien c'est que là on va pouvoir jouer à Bandiro toute la soirée, il pourra pas gueuler. Jack, est-ce que tu peux baisser la musique derrière parce qu'il y a un mec qui parle, on n'entend rien. C'est drôle encore une fois. Bon. Qu'est-ce qu'on est bon ce soir, on est au taquet. Putain, quelle pêche tu as Mickaël, ça fait plaisir. Ouais, grave. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein ah, oula. Commence par la mauvaise alors. Bah ce soir il va falloir mettre des morceaux de best-of, hein, on n'a pas le choix. Ah, ah bah oui, c'est quelle ça. Quelle mauvaise nouvelle. Ça vous met rien. Oh non. La bonne c'est qu'on est là quand même, mais que surtout je vous avais promis qu'on avait Justin Bieber. Ouais. Justin Bieber. Malheureusement, et... cette interview sera uniquement pour les sourds et malentendants. Non, il y a ça vraiment. Justin sera vraiment Bieber, là. Donc. Voilà, non, Justin Bieber. 15 ans, il cartonne aux États-Unis, il est numéro 1. Donc on l'aura quand même tout à l'heure, puisque par chance, il pouvait pas venir en direct, on l'a enregistré là l'après-midi. Voilà. Et voilà. Donc il pouvait pas venir en direct, on l'a enregistré l'après-midi. Connasse. Et à l'époque, ça allait mieux ta voix. À l'époque, ça allait mieux. Ouais, un petit peu mieux. Voilà, je vais rentrer chez moi. Ouais, bah c'est mieux, hein. Je pense, il y a un moment, il va falloir partir, c'est clair. Oui, Pépé. Ça fait mal ou pas? Ça fait pas mal, c'est juste chiant. T'as plus de voix. Et encore là, on comment t'as fait t'as froid, comment on kiffe, nous? Je sais pas, ça a commencé lundi dernier, et puis c'est allé de pire en pire. Puis il y a eu, il y a un peu mieux. Alors, mercredi, c'est le drame. Hier, un petit peu mieux. D'ailleurs, c'était bizarre, il y avait des moments où ça allait moins bien, enfin bref. Sachant que t'es quand même Jean-Michel Lapoisse au niveau de la santé, moi je m'inquiète. Ah bon, pourquoi? Non, ça va, au niveau de la santé, je commence pas à nous faire vraiment que t'arrêtes de fumer, Mike. Hein. J'ai fumé de ma vie, jamais j'ai fumé de ma vie. Non, tu crois pas, non. Comment tu l'as chopé ce résultat-là? Bah, un coup de froid, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais. Les clopes en cachette. Bon, je vous laisse l'émission, hein. Bah écoute, pas de soucis. Cool. Je reste pas loin, rassurez-vous. Hein. Ah merde, parce que je voulais déjà appeler des putes, moi. Ouais, c'est ça, et plus trop. Hein. C'est ça. Direct, allez, 21h. Bonsoir tout le monde. Ouais, on a déjà dit bonsoir, non? Ouais, on a déjà dit bonsoir, ouais. Mais pas Toff le pervers. Voilà. Est-ce qu'on pourra en profiter, parce que Toff fait le malin, pour écouter quand on l'a... On lui a teinté. Teinté. Oh, c'est mieux. Teinté, oui, parce que teinté, c'est pas terrible. Hein. Teinté les cheveux, mais sans teinture. Bah écoute. C'est-à-dire, on avait fait quoi déjà? On avait pris de la peinture. Oh là là. 3 jours pour l'enlever. C'est vrai? Ouais, j'avais encore des bouts, tu sais, des gros bouts de... Des grumeaux. Ouais, grumeaux de peinture qui restaient coincés dans les cheveux. J'avais beau laver et tout, ça partait pas. Plusieurs couleurs différentes en plus. En même temps, les grumeaux, toi, t'as l'habitude. Ah, bien sûr, oui. Mais d'habitude, je les mange. Ah bah ouais, mais tu le cherches, putain. Non, je parlais des grumeaux, tu sais, dans les crêpes. Mike, je fais des crêpes, tiens, pareil, je les mange. Je vais t'amener un fouet parce qu'il faut le calmer, toi. Ça peut se faire aussi, mais enfin bon. Donc, vas-y, prends ton temps. Non, mais je sais plus ce que j'ai dit. Ouais, bah je voulais laisser le truc. Ce qu'on va faire quand même, c'est un QPR aussi tout à l'heure. On va pas le faire. Non, un fucking Blue Boy. Ouais, oui, je dis la merde. On ira chez Jean-Claude aussi au fucking Blue Boy. On se fera un petit GAV en best-of. On va se faire un mag par contre. Un vrai. On va se faire un mag, un vrai, mais c'est pas moi qui veux le faire. Hein. Vous le remarquerez bien évidemment. Moi j'ai bien envie d'écouter. Je sais pas si vous vous souvenez le délire. C'était les chansons de Jean Sarkozy. Parce qu'à une époque, il voulait se lancer dans la chanson lui aussi, comme son frère. Et il avait été trouvé ni plus ni moins que Didier Barbelivien pour l'aider. Ah oui. Ah oui, bah oui. Et il avait repris un morceau de Doc Gynéco aussi. Et bah oui, logique. Du coup, on avait fait tout un petit délire là-dessus. J'aimerais bien me réécouter ça, moi. Bah avec plaisir. Fais comme chez toi. D'accord. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais faire quelque chose. On commence par Sarko. Allez. commençons par ça. On commence par ça. Qu'on fait tout à l'heure. Non, on fera ça tout à l'heure. Il y a des trucs à faire là. Il y a le répondeur. Dit, ouais, le répondeur il marche quand même. Hein. Ouais, démerdez-vous. Hein. Vous savez comment ça marche? Non. Faites pas les malins. Numéro du répondeur. Alors 01 40 71 3400 pour laisser vos messages. Voilà, vous laissez le message sur le répondeur. On écoute ça et puis le plus original repart avec un cadeau et on choisira ensemble lequel est le plus original. Ouais, mais Mike, il n'aura pas son mot à dire. Il ne pourra pas le dire. C'est sûr. On écoute ça? Voilà, c'est parti. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Bonjour Mickaël, bonjour toute l'équipe, c'est la Manie. Donc c'est pour vous donner quelques petits conseils. Donc déjà, au niveau de la voix pour toi Mickaël, c'est vrai que tu as raison de dire aux gens et de faire la prévention contre le tabac parce que c'est pas bon, mais aussi c'est bien de le faire pour l'alcool. Et par contre, j'ai quelques petits conseils. Il faudrait que tu prennes des bonbons, soit l'eucalyptus, soit la menthe, que tu prennes une tisane ou si tu aimes le lait, tu y mets une cuillère de miel dedans. Et surtout, si vous avez le chauffage au gaz dans votre maison, ça serait bien que vous mettiez des humidificateurs avec de l'essence d'eucalyptus dedans. Ça permet de calmer la voix et ça évite d'avoir la gorge sèche ainsi que les voies respiratoires. Gros bisous à toute l'équipe. Fin du message. Message suivant. Ouais, non, Mickey. Je voulais te soutenir. Tu sais, hier, t'allais un peu très en forme. Ouais, bah, tu sais, moi aussi. Mais t'inquiète pas, c'est juste le début de la grippe. Ouais, t'es soufflé. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut, c'était pour revenir sur le sujet des profs, là. Et bien, moi, en fait, c'est mon prof de sport. C'est abusé, quand même. Il nous appelle tout le temps les morues. Et quand il veut mettre la honte à un élève à lui, il l'appelle mon bichon. Alors, un jour, il nous a fait une sale blague. Parce que c'est un gros macho, en fait. Alors en fait, il nous a dit à nous les filles, il nous a dit, ouais, vous savez pourquoi les hommes appellent leurs femmes ma poule? Parce qu'elles ont un gros cul et qu'elles bouffent tout le blé. Et bien moi, sur le chat d'énergie, mon pseudo c'était solidarité féminine. Et bien je suis allée le voir et j'ai dit, monsieur, vous savez pourquoi les femmes conduisent mal? Parce que la majorité des profs sont des hommes. Allez, et bim! Fin du message. Message suivant. Salut tout le monde, c'était pour faire une petite chanson pour ta fin. Trois petites putes dans les bois, pendant que teuf n'y est pas. Attention, teuf y est, il va tous vous enculer. Je vais passer une grosse dédicace aussi à Salomé, ma cousine qui m'écoute. Bisous à tous et bonne chance pour l'émission. Fin des nouveaux messages. Voilà pour les messages que vous avez sur le Oui, papy, alors on choisit lequel? Bah, celui que vous voulez, j'en sais rien. On va prendre le dernier. Voilà, le dernier, allez. C'est très bien. Ah, je suis d'accord avec lui. Voilà, Micha. Le dernier. Micha, bon, dites à Micha de prendre le dernier. Oui, on lui dira. On lui dira. Ah, de toute façon, j'entends rien. Parce que là, d'ici, il t'entend pas, c'est sûr. Je te confirme déjà chez vous, je sais pas si vous m'entendez. Bah, heureusement, il y a la radio, si vous mettez fort, vous entendez quelque chose. Il y a un petit son, ça module un peu. Ah, peut-être, d'accord, ok, bah écoute, très bien. Qu'est-ce que vous voulez réécouter alors comme moment de l'émission? Moi, je propose qu'on se refasse un petit confession intime. Hein, ça, ah, c'est oui, toujours ça bon, le confession intime. Plaisir, ça. Ah bah très bien, je propose qu'on fasse ça aussi tout à l'heure. C'est quand elle a fait son grand retour? Ouais, ouais, c'était le grand retour de confession intime en fait, sans Isabelle. Sans Isabelle Bresse, malheureusement. Avec Marion Jolie. Jolès. Mais Marion, la sœur d'Angéna. Je trouve qu'on y a gagné en physique avec Marion Jolès. Elle est différente, elle était blonde, l'autre elle est brune, elle est plus jeune aussi. Donc, préférez Isabelle quand même. Ah, moi je préfère Marion. Plus jeune, ouais, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça, les couleurs. J'étais belge qui ressort. Ouais, c'est ah, ça, peut-être. Ouais, voilà. Non, mais t'es plus jeune, c'est vrai, ouais. Bon, je rappelle donc pour ceux qui. Dites qu'on a Justine Bibier tout à l'heure. On aura Justine Bibier tout à l'heure. Justine Bieber. Ah putain, j'ai inversé. Bieber. On a pas s'appeler comme ça aussi, sérieusement. Justine Bieber. Justine Bieber. Il paraît-il parle un peu français. Je parle un peu français, comment ça va? On le fait. On le sait, puisqu'on a enregistré juste après. Midi, elle a déjà oublié. Ah oui, c'est vrai, mais oui. Ah, c'est lui. Ah, c'était lui. Formation professionnelle. On aurait dit un c'est le petit de 15 ans, là, c'est ça. Exactement, voilà. Ouais. Donc voilà, on aura le mag aussi tout à l'heure. Oh, bien, t'as une reprise. T'as vu un peu? Attends, je vais essayer. Mais ça va pire, en fait. 1, 2, 3. Bien, oui, wow, mais si bravo. Je parle comme ça, ça va. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va tous parler à ton rythme et puis on va accélérer. Si j'étais diffusé en Suisse, ça irait. Radio Gogol, là. Hein, quand ouais, quand même, ouais. Un peu, ouais. Ouais, on va euthanasier ce speak, hein, bon, déjà. C'est puis on parfait, va, je propose qu'on va revenir dans un instant. On va se faire la teinture de Tov juste après. Salut les loups. Salut. Ah, pas mal. Ça va les loups. Et toi, Nikos? Ça va, ça va. Pas mal. Il y a un peu, il y a un petit. Ah là, il n'y a plus. Là, il n'y a plus. Bon. Il n'y a plus rien là. Un peu de pub, on revient après. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Jack passe le balai dans le studio. Alors charge les nouveaux modèles. Il élimine tout sur son passage. Et Mickaël revient juste après. Juste après ça. Et retour de l'émission, comme tous les soirs, on est là entre 21h et minuit, mais sans voix ce soir, et donc c'est pour ça qu'on fait... Enfin, juste toi, Mike, pas nous. Parce que nous, on va super nous, bien. On est la pêche. Profite, ouais. Donc, ce que je propose, c'est que, comme on l'avait demandé, une petite réécoute là, de la teinture de Toff à l'époque où il avait des cheveux longs, écoutez. Bon, et vous savez que la Chine a battu un nouveau record du monde ? Ah, ça doit être le plus grand bol de riz du monde, non ? Bah, c'est malin, ça, Roux, hein. Encore une fois, une vanne communautaire, bravo. Non, mais il a raison, hein, Roux. C'est la plus grande muraille de Chine. La plus grande muraille, elle est en Chine, elle n'est pas au Portugal, donc forcément, ça ne pouvait pas être ça. Vous avez fini, tous les deux, ça va. Ils n'ont pas le record du nombre du nombre de Chinois. Ah, vous avez du mal, ce soir. Si, mais ça, ils l'ont depuis un petit moment, déjà. Hein. Ouais, ils ont dû trouver un mec encore plus grand que le mec de 2m60. Non, c'est beaucoup plus con que ça. Ah oui, mais alors si... Enfin, trouver un truc plus con encore qu'un mec de 2m60, ça doit être dur. Hein. Mais c'est pas le rassemblement de Jackson, là ? Non, ça c'était au Mexique. Il y a 13 000 fans qui sont rassemblés là pour danser sur Thriller. Alors, les mecs sur la liste, en pleine grippe A, les inconscients. C'est-à-dire qu'ils se réunissent et ils font le truc. 13 000 personnes avec la grippe A qui traîne. Enfin bref, ceci nous éloigne des Chinois. Ouais, donc c'est quoi alors le truc ? Alors, c'est le plus grand nombre de personnes en train de se teindre les cheveux. Ah bah excellent, voilà. En un même lieu, bien évidemment. Alors le but, c'était de se teindre les cheveux le plus vite possible. Ils ont mis entre 7 et 9 minutes par tête. Mais surtout, il fallait le plus grand nombre de participants. Ils avaient réuni plus de 500 personnes. C'est pas mal, hein. Et donc on va essayer de battre ce record dans le studio, hein, puisque tu as invité 501 personnes pour le faire. Pas du tout. Alors je me suis dit que nous on ferait le plus de teinture sur la même tête. Et comme c'est toi qui as le plus de cheveux, bon, on va le faire sur ta tronche. Oui, mais je trouve que le roux, il a passé pas mal en ce moment s'il enlève sa casquette. Ah non, j'ai une casquette. On peut pas faire une teinture sur une casquette. Mais enlève. T'as d'autres idées comme ça ? C'est vrai que sous la casquette, il y a peut-être moyen de faire. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, j'ai la casquette qui est attachée. Mais sinon, on peut peut-être faire chez toi une teinture noire pour enlever les cheveux gris. Je n'ai pas. Et si j'avais des cheveux blancs, évidemment, avec plaisir. Mais là, j'en ai pas, donc ça n'a aucun sens. On a de la teinture noire en plus. Hein, oui, mais ça ne sert à rien. Ils sont déjà noirs, mes cheveux. On verra rien comme différence. Bah, ils seront encore plus noirs. Hein. Non, mais ça sert à rien. Ou alors, on t'en fait des blancs histoire que tu vois ce que ça fasse. Ouais, ça, éventuellement. Mais de toute façon, on est avec Toff là, donc. Mais pourquoi tu dévis ? On était sur toi là, on était bien. Mais je dévie pas, c'est juste qu'il y a un moment. Bon, on va faire un vote à main levée. Qui vote pour Toff ? Voilà, c'est ouais, bon. Okay, ouais. Bon, bah, sur toi. À l'unanimité, hein, tout le monde a voté pour Toff. On a juste eu un petit souci. Oui. On n'a pas trouvé de teinture. Contrairement à étonné. Et donc, on fait ça avec quoi ? De la gouache. Bah, c'est une sorte de teinture aussi. Hein. Puis comme ça, tu vois, t'auras pas besoin. Ça part au lavage. C'est ça, tu te laves un petit coup et ça ira mieux, tu vas voir. Premier lavage, c'est parti. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me fait plaisir. Très bien. Alors, bon. Alors, on a du blanc, du jaune, du rouge, du orange, du rose, du bleu, du vert, de l'autre bleu, du marron et du noir. Et on peut faire des mélanges si tu veux aussi. Hein. Je propose qu'on mélange. Non, tu vas pas choisir ta couleur quand même. Bah, c'est ça, t'as cru qu'on était chez le coiffeur ou quoi? Non, mais comme il bataille, on va toutes les mettre. Moi, de toute façon, le concours, le but, c'est qu'il y ait le plus de couleurs différentes sur la tête. Ah bah oui, donc on va tout mettre, alors effectivement. Bon, et qui c'est qui va jouer le rôle de coiffeur? Le roux? Sandro, t'aimes bien faire ça, non? Par contre, tu vas t'en mettre partout. Alors vas-y. Ce qui est bien, c'est qu'il la traite comme une débile. Non, mais tu vas t'en mettre partout là. Tu sais, tu t'y arrives pas. C'est comme quand tu dis aux enfants, non, arrête de faire ça, tu vas t'en mettre partout. Regarde, bah c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de pinceau, je le fais avec les doigts. Hein. Bah oui, tu le fais avec tes doigts. Mais tu vas pas faire de la peinture. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dessape. Il fait pas un porno, Toff. Tous les moyens sont bons pour. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tu te mets à walper, Toff. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais Toff, au pire, la peinture, si elle tombe sur ton fut, il sera toujours plus joli que ce que t'as là maintenant. Parfait. Non, ça va, il est pas mal son fut pour une fois. Bah, le fut, ça va, mais le calbut... Ouais, c'est parfait, je préfère salir le calbut. Nos dégaines, hein, ça c'est sûr. Par contre, ce soir, Toff n'a pas de rendez-vous, vu le calbut qu'il a mis. Contrairement à la fois passée où il y avait un Calvin Klein ou je sais plus quoi. Si tu veux savoir s'il a un rendez-vous, faut vérifier s'il est rasé ou pas. S'il est rasé de quoi? Bah, en bas. Ah, oui. Très bien, donc nous avons mis le bleu. Donc vous pouvez suivre hein, sur amical.fm. Donc pas vraiment sur la webcam parce qu'elle se tourne pas de ce côté là. Mais on est en train de filmer. On mettra les photos et la vidéo sur le site. Roux, pourquoi tu fais pas un arc-en-ciel? Trop tard. Alors en fait, mais ça dépend. C'est Franck Prouveau hein, qui... Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école du tout mélangé. Ouais. D'accord. Et il y a l'école de la partition. On va dire partition mais... De la partition, ouais. Bon, très bien. On est en train de mettre la webcam sur Toff. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, ouais, on voit plus ou moins. c'est con, il a sa tête dans le logo. Bon, c'est pas grave, c'est principal, vous voyez la peinture sur les cheveux, on voit pas la tête de Toff, c'est très bien, c'est parfait. Ah ben voilà, parfait, là c'est parfait. Vrai, bon. je suis belle à la webcam. Oui, tu es très très beau à la webcam. Bon, on voit le spot en grand, mais c'est pas grave, on fera avec. Donc, mikael.fm, vous pouvez suivre tout ça en live. Et donc, le roux qui s'amuse et qui met de la couleur et de la couleur. Le roux, il avait plus fait de travaux manuels depuis la maternelle. Et il se régale. Cela dit, je suis curieux de voir le résultat final quand tout va être. Franchement, moi pas. Hein. Malaxé, massé, etc. Ouais. Alors, je fais quoi? J'étale déjà là et on y retourne après ou... Non, je pense que je vais mettre toute la teinture. Oui, bah oui. Je fais trop un kiff. Si t'es en manque de travaux manuels, on va t'inscrire au centre aéré le mercredi. Mais je suis sûr que ça lui ferait beaucoup de bien vu l'état dans lequel il est en train de mettre ma tête. Hey, mais regarde, il est content, c'est où on dirait que Paris a gagné là encore. Non mais c'est vrai, tellement il est content, il met ses couleurs, il est bien. T'es en train de me dire que t'as déjà vidé 4 tubes sur ma tête. Bah oui, ouais. Tu crois qu'on fait ça en 3 jours ou quoi? Mais attends, mais il en reste un peu hein. Oui, bah vas-y. Dans les tubes, non, j'ai pas l'impression. Mais hey, ton cuir chevelu, il va être attaqué mec. Mais non, c'est de la gouache. Alors, si c'est possible, j'aimerais faire un appel. Ce soir, est-ce qu'il serait possible, je donnerai l'itinéraire de son retour, si vous êtes de la police, d'arrêter Toff avec sa tête de con qu'il aura avec ses couleurs n'importe comment sur ses cheveux. Si vous pouvez le mettre au poste jusqu'à demain. Oui, comme ça il sera avec Mustapha. Pour qu'il il sentira moins seul. Ouais, mais Toff il est pas du style à faire des excès. Au contraire, Toff il se fait arrêter parce qu'il ne va pas assez vite. Alors. Bon, pour l'instant toutes les couleurs sont mises, qu'est-ce qui reste? Il reste du rose, du blanc et du jaune. Ah chouette. Bon, très bien. Bah vas-y, dépêche-toi Roux. T'es gentil. Bah oui, je suis gentil, je sais. C'est joli comme tout hein, ce que tu fais. Non, c'est super artistique. En fait, moi je pense qu'il faut il faut pas le quoi. Faut pas mélanger. Pourquoi? C'est pas plus mal, joli hein. Comme ça. Franchement là, c'est bon, tu peux aller à la Gay Pride, hein, tu vas cartonner. Ouais. Bah, moi je pense que ce sera mieux pas demain. Hein. Ce sera mieux mélangé quand même hein. Bah tu laisses sécher, tu gardes jusqu'à là-bas. Oh Toff, quelle honte, t'as les cheveux blancs. Ouais, je sais. C'est naze, à ton âge, ça se fait pas. Enfin, c'est naze. Ça se fait pas. Enfin, c'est pas que ça se fait pas, mais ça, c'est naze, quoi. Bon, qu'est-ce qui reste là? C'est tout là, allez, roux, accélère. Non, mais le roux, il est dans ses petits travaux manuels, il faut qu'il vide tous les pots. Hein, parce que son institutrice, elle a dit qu'il fallait filer tous les pots, alors il vide tout. Il est content, hein, il peut mettre ses petits doigts dans la peinture, il peut l'étaler, donc il est content. On ne parlera pas autant quand t'auras vu ta tête de con. On va t'acheter de la peinture, roux. T'as mis quelle couleur là jusque-là? Je t'en réoffrirai une tube pour que tu puisses t'amuser. Elles sont toutes, il y a du bleu, du orange, du rouge, du blanc, du noir. En plus, c'est des belles couleurs. Hein. Du brun. Je suis belle. Ah bah allons-y. Attention, il y a un pigeon de Tchernobyl qui t'a chié dessus. Oh, quel drame. Oh, ça pue en plus. Ah, il y a du vert, je viens de voir le vert également arriver. Ah. Hein. J'ai remarqué le vert prend un peu le pas sur les autres. Ouais, c'est ça m'étonne pas. Mais c'est parce que t'as laissé un petit peu le blanc. Bah laisse la trace de blanc. Avec mes cheveux. Roux, ouais. Devant laisse la trace de blanc, ça fera joli. Oh la gueule que tu vas avoir. Ouais, vous croyez que je pourrais aller à un concert de Tokyo Hotel après ou pas? Non, en fait, franchement. T'as aucune couleur qui a vraiment pris. Bah ouais, en fait, ouais, c'est devenu tout foncé, on est con. Le vert, non, le vert est là. Hein. Bah le vert il est là. Si le vert est là, c'est le principal. Ouais. Ça donne une couleur de caca hein, finalement. Bah ça donne une couleur dégueulasse. Ah ça changera pas sa couleur naturelle. Oh. Fais-lui une coupe. Vas-y doucement, oh putain. Oh, ça va, arrête de gueuler, oh. Ah mais tire pas sur mes cheveux. Oui, mais je fais comment? Ah bah franchement, eh. Franchement, là c'est classe. Ah oh ça va, oh là là. Bon ça y est ou pas? C'est pas tes cheveux hein. Bah oui non, bah oui non, mais ça en même temps il y en a main, hein. Il en a moins. Vous pouvez suivre ça sur amikael.fm hein. Ah ça fait mal. Mais non, arrête de te plaindre, Toff, s'il te plaît. J'ai fait la coupe de Bill. Oh attends, du orange. Très bien. Ah bah voilà, t'as oublié l'orange en plein milieu là. Bon, il y a Nicolas sur le chat qui dit c'est trop deg. Jean qui dit oh la chuchote sur le chat sur amikael.fm. Priscilla qui dit oh la gueule de Toff. Et Céline qui dit ça fait gel. Alexandre qui dit la chuchote. Julien qui dit le pauvre. Merci de me soutenir. Non mais ça va, on va pas te soutenir non plus. Ah y'a roux doucement. Oh là. Pas possible ça. C'est ça, c'est incroyable de gueuler comme ça autant là. Bon bah écoute, défi relevé. Défi. Je suis belle. Y'a du carton maintenant. Ses cheveux c'est du carton. Ouais. Bon ben on mettra des photos sur Amikael. Non, pardon, j'ai pas fait exprès, j'ai touché son visage. Ça va, t'as rien, t'es pas malade? Ah la gueule. On dirait qu'il a bossé dans le germinal. Ah mais tu as mis la voiture sur la tête? Roux. Ouais mais j'ai pas fait exprès. Bon, comment va Toff alors? Bah écoute, j'avoue avoir un peu raté ma teinture. Ah oui, là oui. Bah, je vais me faire rembourser par le coiffeur. Ah bah voilà, Roux rembourse. Ah mais t'as rien avancé hein. Remboursez-moi, je veux une nouvelle teinture. Bon, attends, il y a Max de Paris d'ailleurs qui est juste dans le 16ème. Salut, salut Max. Bonsoir toute équipe. Comment vas-tu? Salut. Écoute, je vais bien et toi? Bah écoute, ça va bien aussi. Bon, alors, Max, comment ça se passe au niveau de la teinture? Tu nous appelles pourquoi? Ah ben, moi, il m'est arrivé une grosse bourde en fait, tout simplement. Ce qui s'est passé il y a 15 jours de ça. Moi je suis un fervent admirateur du PSG, donc je me suis teint un soir, je suis allé avec un pote, on s'est teint les cheveux quoi. Ouais. Aux couleurs du PSG. Et le lendemain matin, je reçois un coup de téléphone pour l'entretien. Donc la honte quoi. Donc l'entretien était le soir, donc j'ai tout fait pour enlever la teinture. Mais parce qu'y aller avec une casquette, ça le fait pas. Hein. Non, voilà, mais attends, je vais bien t'expliquer en fait ce qui s'est passé. J'ai tout fait, j'ai même essayé toi, les shampoings, les détergents, même du détergent exprès pour essayer de retrouver une couleur, donc ce qui n'a rien fait d'ailleurs par rapport à ce que j'avais fait. Mm-hmm. Donc le soir, je me pointe à un entretien normal, mais avec un genre de béret. Un béret, mais un truc basque. Pourquoi t'as pas rasé? Parce que je regardais quand même la couleur que j'avais fait, j'avais payé quand même pas mal assez cher. Ah oui, mais bon, t'as fait un choix alors. Voilà. Et lors de l'entretien, le type il me fait Fouettec, vous m'enlevez quand même votre béret, ce que j'ai fait. Donc, et il a commencé à me poser des questions en disant ouais, vous soyez pas un peu tendance punk et compagnie. J'ai fait non, pas du tout. Enfin, il a fait que je lui explique un peu le pourquoi il commence. Et il était pour l'OM. Voilà. Et ce qui fait que j'ai pas eu le boulot quoi. Rien que parce qu'il était pas pour la même équipe que toi? Non, parce que simplement il a pas trouvé la coiffure que j'avais. Ah ouais, bah ouais. Était bien la présentation. Alors que bien, alors que si t'avais postulé chez Toff, il t'aurait pris rien que pour ça. Mais juste ouais. Je pense. Ouais. Non mais monsieur Toff, j'ai jamais fait de radio. Ce n'est pas grave, vous avez une tête de con, je vous prends. Ah oui, mais je suis mauvais l'instant de la journée. Je suis vraiment mauvais dans ce que vous cherchez. C'est pas grave. Et une tête de con sans le dîner. Oui, c'est vrai. Oh, quoi que ça reste à voir encore. Oh, tu sais pourquoi t'as été pris, Micha, maintenant au moins. Parce que tu me fais rire. Voilà. Bon, bah écoute, merci Max. Et puis bah la prochaine fois, tu sais ce qu'il te reste à ne plus faire? Oui, je ne me tairai plus les cheveux. Voilà, terminé donc. Exactement, ça sera banni. Voilà, c'est mieux, ouais. Bon, bah salut à toi, Max. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et bien, à toi ciao. Également. Et salut, Max. Embrasse, à bientôt. Ciao à toi. Oui, sans la grippe, c'est mieux. D'ailleurs, en parlant de grippe, il y a un message qui dit est-ce que tu peux remettre la grippe et le chikungunya qui était passé. C'est Julien sur les SMS qui avait demandé ça. Bon, on le mettra peut-être tout à l'heure, là. En plus, on doit reparler de la grippe. Là. Je vous en avais parlé également en début d'émission. Voilà. On fait quoi avec Toff? Bah, je vais laver les cheveux là, non? Ouais, mais avec quoi? T'as du shampoing? Non, mais c'est le moment de l'épiler, hein, les mecs. Ça va être pire, je crois. Écoute, essaye hein, si tu veux. Ouais, je vais l'étaler. Et comme quoi, il fallait plus de peinture. Hein. Ouais, ouais, c'est la peinture à l'huile ou pas? Mélanger les couleurs sombres. Ouais, un peu plus de peinture, ça aurait été. Dis donc, tu commences à être poilu, Toff. Ouais, je sais. Ouais. En fait, il est marrant parce qu'il a des poils tout autour et puis il y a un trou. Ouais. Au milieu. C'est chelou quand même, hein. Je vais faire un câlin avec le rond. Allez, viens, on fait un câlin. Arrête, je vais être désagréable. Viens, profite. Je veux que tu profites de ta création. Mais c'est bon, je la vois. C'est ça ou la main au panier, Roux? Oh, la main au panier. C'est vrai? Ah, non, panier, ah non, mais dans l'inverse, tu lui mets la main au panier. Non, bah non, ça me s'en branle. Je pensais qu'il allait aimer. Bah ouais, non. Moi aussi, ouais, franchement, je suis assez déçu. Bon, le moyen, je vais pas tout donner non plus. Ouais, c'est vrai. Et voilà donc la coloration de Toff. À la peinture. À la peinture, bien évidemment. J'ai revu les photos et la vidéo sur le site et je me suis trouvé plutôt belle. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, allez voir si vous voulez. Sur amical.fm. Donc, t'as pas dû regarder tes photos. Comme je le disais depuis le début de l'émission, émission light. Voilà, sans voix et sans sucre. C'est parfait comme ça. Bon, dans un instant, on va faire un jeu des amis, toujours dans la version light, bien évidemment. Puisque, bah, forcément, ça n'est pas possible au niveau de la voix. Là, on peut pas continuer. Mais cela dit, on est quand même là jusqu'à minuit. Il y a quand même Justin Bieber qu'on a réussi à l'enregistrer cet après-midi avec une voix plus ou moins potable que nous écouterons tout à l'heure. Ciao, c'est Silvio Berlusconi. Moi aussi, j'écoute Michael, parce que c'est sympa. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est sympa, c'est comme ça l'Italie, et c'est Silvio qui le dit. Retrouvez l'émission comme tous les soirs entre 21h et minuit, version light, puisque version sans voix. Donc ce qu'on vous propose depuis le début de l'émission, bah, c'est, puisque eux ont une voix, ça y a pas de problème, c'est de vous refaire pas mal de bons moments. Donc on fera tout à l'heure notamment le Mac qui lui n'est pas un bon moment parce qu'on l'a, c'est vous qui allez le faire, pas moi. Donc du coup il y aura vraiment des vraies infos toutes neuves et Justin Bieber qui arrive aussi tout à l'heure. Et comme tous les soirs, on est là, bien évidemment, avec le jeu des amis qu'on va faire tout de suite avec Grégoire qui est là, 22 ans de Lyon. Comment ça va, Greg? Ça va et toi ? Ça va, tranquille. Bah, toujours cette voix qui part en couille. Hein. Jour après jour, j'ai de moins en moins de voix. Dans quel état t'étais ? Bah, dans quel état ? Je suis dans un mauvais état. Non, mais ça va passer. Hein. Enfin, j'espère. On reviendra un jour. Bah, oui, j'imagine. Okay. Tu me payes un tétoff ? Si tu veux. Oh. Non. Tu me payes un sprite off ? Si tu veux. Non. C'est quoi l'enfume ? C'est quoi l'enfume ? C'est toi qui va non, l'enfume, c'est après quand tu verras que t'auras pas de thé et que t'auras rien. C'est que c'est toi qui vas me donner 6 euros. 6 euros pour un thé ? Non, mais c'est parce que le room doit 6 euros en fait. Pourquoi ? Parce que. Ah, d'accord. Mais t'es fou d'annoncer des trucs comme ça. Ouais, enfin, c'est pas un scoop non plus. Hein, t'as du change ? Ah, ouais, je l'ai pris pour un euro. Parce que Roune a que 8500 sur lui. Ah ouais. J'ai 10 centimes. Il a du cash et il sort des billets. Des billets de 100 euros, 200 euros. Et il allonge des billets de 200 et tout là, c'est la fête. On dirait hein. que je suis Tony Musulin là, on vous écoutez. Bon, on n'est pas la rue, tu es de la famille. Hein. Bon, on va jouer au jeu, les amis, Grégoire. Donc, on va donc appeler qui ? Il y a Luffy, Coralie ou Carolina ? Luffy. Luffy. Ah bah, je t'avais dit. Filou alors, ouais. Et Luffy ouais, bah, mais... c'est ça. Hein. Donc, on appelle qui ? Comme tu veux. Choisir, comme tu veux. Bah, je sais pas, non, choisis, vas-y, hein, fais comme chez toi. Hein. Luffy, qu'on se foute un peu de sa gueule. Ouais. Messieurs, dames, on est sur un très gros dossier. Alors, j'ai pas entendu. Oui, si vous voulez, oui. Luffy, Luffy. Bon, allez, Luffy. On y va. Pas mieux, vous voulez pas qu'on appelle. Hein. Ah, bah, parfait. Parfait. Ah, fallait donner un nom. Hein. Bah, c'est ça, moi, je t'ai proposé. Hein, donc, en même temps, avec un nom comme ça, tu doutais bien qu'on allait sauter dessus. Hein. Ouais, mais Luffy, c'est un mec ou une meuf ? C'est un mec. Ah, non, c'est une meuf. C'est une meuf. Allô, Luffy ? Oui. Ça va ? Ah, il est bouffon ! Dire, assure-moi, Luffy, c'est un diminutif ? Oui. C'est un pseudo ? Oui. D'accord, ok. Très. Oui. C'est quoi le vrai prénom ? Déborah. Ah oui, Rana. Ah bah oui, Déborah, Luffy, évidemment. Ah, je préfère encore Luffy. Non, je préfère Déborah. Bon, Luffy, j'ai l'impression d'être dans un dessin animé. Bon, Luffy, on va donc jouer. Non, Déborah. Luffy, on va jouer. On va jouer au jeu des amis maintenant. Je vais te poser 10 questions sur Grégoire. D'accord ? Ouais. La première, ça remonte à quand la dernière fois que tu as couché avec lui ? Il y a longtemps ou pas ? Non. Très bien. Très bien. Il nous avait rien dit. Hein. Merci pour cette information très importante. C'est parfait. C'est parfait. Bon, alors, on va te poser 10 questions à propos de Grégoire. Si tu réponds bien à 6 sur 10, ce sera gagné. D'accord ? Pour vous deux, évidemment. Okay. Allez, on y va. Première question. Attention. C'est parti. Quel est son dessert préféré ? Mousse au chocolat. Non, le tiramisu. C'est dommage, ça démarre mal. Ça ressemble. Ouais, mais bon. Quelle est la destination de ses dernières vacances ? Japon. Effectivement. C'est pas mal hein. Ça va Grégoire, on se fait pas chier. Ah, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. T'as été où au Japon ? Un peu partout, j'ai fait le tour donc. Ah oui, donc ça va, tranquille. Mais t'as fait des vacances de quoi ? De un mois ? Attends, Japon, trois semaines. Pas très grand. Non, mais enfin. Ouais, enfin j'ai claqué 4 mois de salaire aussi dessus. Tu m'étonnes. Bah ouais, non, mais si, c'est grand quand même. Hein. Et il a réussi à financer son billet grâce à tout le matos qu'il a ramené et qu'il a revendu. C'est clair. Ouais. Ouais. C'est clair. Bon, allez, on continue. Une bonne réponse, une mauvaise. Attends, j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça coûte combien le PlayStation 3 au Japon ? JTV, ça n'existait pas encore, mais la Wii était à 140 euros à l'époque. Oh la donc, vache, mais par contre, c'est pas une PlayStation 3, c'est une PlayStation 3. C'est la copie, non, hein, c'est presque pas pareil. Chinois, mais... C'est pas comme les Chinois et les Japonais. Ouais, c'est vrai, effectivement. Bon, allez, on continue. À quoi est-ce qu'il est allergique ? Pollen. Non, à la pénicilline. Non. Enfin, peut-être qu'il est allergique au pollen aussi, mais en tout cas, c'est pas la bonne réponse. Quel est son objet porte-bonheur ? Un collier ? Non, un Rubik's Cube. Le truc de nerd. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Greg ? Enfin, on sait ce que c'est, mais je veux dire, pourquoi c'est un objet porte-bonheur, un Rubik's Cube ? Bah, porte-bonheur, parce que, bah, je sais pas. Mais en quoi il porte-bonheur ? Bah, porte-bonheur, je suis pas spécialement superstitieux, mais disons que c'est l'objet que j'ai le plus souvent avec l'objet moi. J'ai fétiche, quoi. Ouais, ouais. Et tu l'as fini ou pas ? Ah oui, plusieurs fois. Ah, plusieurs fois, d'accord, ok, bon, bah, très bien. Il y a des mecs, ça leur prend une vie, lui, il a déjà fini plusieurs fois. Mais là, franchement, voilà. J'ai jamais compris le système. Tu vas de sur Rubik's Internet, Cube. Tu tapes sur YouTube, il t'explique. Voilà. Ah oui, mais non, mais en non. En fait, c'est un algorithme. C'est-à-dire qu'en gros, tu répètes. Ah ouais, c'est bon, oui, c'est tout simple. Non mais c'est con, t'as une méthode quoi. Tu regardes quelle couleur est dans le coin. Tu sais comment il faut faire. Alors, en l'occurrence, je crois que c'est bas inversé, haut inversé, gauche inversé, un truc comme ça. Ouais, enfin avec l'explication, tu fais tout. Ouais. Et une technique quoi. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, on continue. Combien de fois par semaine se masturbe-t-il ? Je sais pas, 7. Non, ah bah quand même pas. 3 fois par semaine. C'est une mytho. 3 fois par semaine. Combien de partenaires sexuels a-t-il déjà eu ? 2. Non, une seule. Ah, enfin, ça dépend. Est-ce que c'est compté avec toi ou pas ? Alors Greg, tu voyais comment ? C'est compté avec elle ou pas ? Non. Ah non, bah alors, non. Ah c'est au cas où sa meuf écoute en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Quel est le prénom de sa dernière petite amie ? Déborah. Marie. Non, Coralie. Hein. Alors, comment ça. Parce tu que t'as ça, menti, moi je serais vénère à ta place. Ça, c'était oui. La première. Alors, mais tu te situes où, toi, par rapport à tout ça, Déborah? À la maîtresse, après, quoi. Plutôt vers le début, plutôt vers le milieu, ou plutôt le... La maîtresse, ouais, ouais. Ouais, le B, quoi, le plan B. Très bien. Qui me dit mon consent, on avait compris que tu étais le plan B. Nous n'irons rien de plus. Le plan très très B, hein. Voilà. C'est vraiment quand il est en galère. Quelle partie de son corps est la plus poilue? Le ventre. Non, son menton. Ah ouais. Bah oui. Ah ouais. À quel âge a-t-il eu sa première relation sexuelle? 20 ans. Oui, 20 ans, bonne réponse. Ouh. C'est pas mal. Ouh, t'es un peu vieux. On n'est pas à l'abri de faire un meilleur score qu'hier. On ouais. A fait 9-1 hier, aujourd'hui là, ça peut être pas mal. Quelle est sa couleur préférée? Pourpre. C'est une bonne réponse. Pourpre. Ah bah faut savoir. Hein. C'est vraiment pour pas faire ouais, comme moi, tout le monde. Moi, ma couleur préférée, c'est le pourpre. Tu portes du pourpre là. Et en plus, oui, c'est vrai, c'est mauve quoi. Oui. Bon, ah non, bah, bravo, pourpre, ça c'est fait... pas mauve, je suis désolé. Alors, on se un débat si vous voulez. Non, mais... mauve, c'est vachement plus clair. C'est une couleur pâle le mauve. Hein. Oui, finalement. C'est une couleur pâle. Ça, c'est pâle. Du poupe. Mais Roux, est-ce que t'as entendu de quoi on est en train de parler? Du prune, on peut dire du prune. C'est du prune, c'est pas pourpre. C'est du prune, c'est vrai. Je tiens à me désolidariser. Ah, mais totalement, moi également. Pourpre, mais qu'est-ce que le rouge? Et sinon, toi, Mike, c'est quoi ta couleur préférée? Le noir. Le noir, ouais. Qu'est-ce qu'il dit, raconte le nain? Pedro, il a dit c'est l'orange. Des parpaings. C'est la couleur des briques. Pauvre con, ouais. Putain de Mexicain. Ouais, il est prêt le best-of? Il est prêt le best-of? Ouais, il est plus que prêt. Ouais, il va falloir le préparer, je te préviens. Ouais. Surtout, faut l'entrer, écoutez. Hein. Luffy. Ouais. C'est perdu, malheureusement. Hein. 3 bonnes réponses. Et 7 mauvaises. Un drame. Bon, enfin, c'est mieux qu'hier, cela dit en passant, hein, mais bon. Ouais. Bon, désolé, Luffy, désolé, Grégoire. Vous revenez quand même quand vous voulez, hein. Ok. Bah, y a pas de sushi. Bon, bah, pas de sushi. T'as pas fait sushi, comme rassure-moi, comme van. Si, il l'a fait. D'accord, ok, très bien. Pour un mec qui revient du Japon, moi je trouve que c'est pas mal. Ouais, on a débattu sur le pourpre et le violet. C'est vrai. Bon, passez une bonne soirée tous les deux, à bientôt. Au revoir. Ciao à vous, bye bye. Merci, messieurs. Pas de rien. Bon, c'est pas grave. Hein. Si vous voulez jouer aux questions pour réponse, non pas du tout, ce sera le retour lundi. Mais au jeu des amis, lundi également d'ailleurs, 612. Débutez votre message par énergie, puis vous mettez ami avec prénom, âge et numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? On va chez Jean-Claude ce soir. Ah, ce soir on va chez Jean-Claude. Ton grand ami. Ton grand ami, il va encore te faire ça plein de propositions. Ça va bien se passer. Ouais. En plus, j'ai commandé ta nouvelle carte gold parce que l'autre était périmée. Tu m'as commandé une carte gold? Oui, enfin gold ou platine. Non, platinium, toi. Ah, de chez. De le, la platinium fidélité. Oui. Pas une carte de banque, ils t'ont refusé. Ah oui, d'accord, je comprenais pas. Non, ils t'ont refusé, laisse tomber. Non, mais par contre, celle du fucking Blue Boy arrivera, elle est toute belle, tout en platinium, quoi. Ouais. Enfin, elle te laisse. Elle te donne accès. Alors, quelle est la couleur du platinium? C'est du gris. Métallisé. Hein. C'est métallisé. Gris métallisé. Elle te donne accès à tous les trous. Ah, ça, c'est beau. Ah oui, c'est open bar. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Et même les plus gros. Oui, allez, si vous voulez jouer au jeu des amis, donc 612, débutez par énergie, puis vous mettez amis et on revient après ça. Au paquet de rêve, les gants, tout au bien. Voilà, c'est du portugais. Bouge pas. Bouge pas. Mickaël termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. Et comme tous les soirs, on est là entre 21h et minuit sur Énergie, toujours sans voix. Hein. Ouais. Voilà, donc ça n'a pas changé. Ça donne un petit côté sexy, je trouve. Ouais, je sais, ouais. Mais il y a des moments où ça va mieux, parce que j'ai mon sirop que j'ai été chercher tout à l'heure. Là, on m'a dit que ça endormirait un petit peu. Mais alors la voix est sexy, par contre l'écharpe un peu moins. Ouais, écoute, en même temps, il fallait bien entourer la gorge. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, ça va bien se passer. Donc ce soir, on reçoit Justin Bieber qui est avec nous pour la sortie de son album My World, la star montante, comme je l'avais dit, du R&B qui est aussi le plus jeune artiste qu'on ait reçu dans l'émission. Comment ça va, Justin? Ça va très bien. Oh, yeah. I'm very good. You speak French? Un petit peu de français. Ah, mais c'est déjà pas mal, hein? Pas bien. Le Roux aimerait bien parler français comme, anglais comme tu parles français. Ah, ouais. Hein, Roux? Ah, tu m'étonnes. Bon, Justin, t'as fait beaucoup de bordel devant la radio. Hein. Ouais. Ouais. On a Toff qui est en direct de dehors. Allô, Toff? Oui, je suis dehors. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Par contre, j'entends pas la foule. Ils sont barrés ou quoi? Donc. Ah non, ça va, ils sont là. Bon, ouais, ils sont là. Tu veux que des gens te donnent un peu de voix? Ouais, bah ouais, à des fois, voilà. Tu peux leur dire que Justin les entend. À trois, vous criez. 1, 2, 3. Ouais. Wow. C'est, t'en as pris un peu, là. C'est bon, il y a du monde, ouais. Donc tu bonjour. Peux. Bonjour. Tu peux. Encore, parce qu'en fait, là, je me suis mis tout à fait à gauche où les gens me voyaient pas trop. Donc là, il y a une espèce de mouvement de foule. Les gens reviennent vers moi. D'accord, ok. Bon, alors dis-leur qu'ils préparent éventuellement des questions. Ils pourront poser des questions via toi, Justin. Ah, c'est vrai. Bon, alors si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Voilà. On dirait un prof. Vous pourrez déposer. Bon, Tof, je te laisse faire le tour. Et puis, je m'adresse à une foule un peu dense, donc tu vois, j'essaie de me donner un peu d'autorité, mais ça marche pas fort. Ouais, bah, je vois ça. Bon, je te laisse quelques minutes pour voir les questions et puis on te reprend après, d'accord? Ça marche, bah, je te reprends quand tu veux. Bon, très bien. Bon, à tout de suite. On va les récupérer dans un instant. Bon, Justine, c'est la première fois que tu vis en France? Ouais. Ça va être facile, hein? C'est la première fois jamais. T'as été voir la Tour Eiffel déjà? Ouais. C'était comment? Tu peux parler en anglais et après il y a Jack qui répond si tu veux. Ok, does that mean if I don't understand, I can ask him? Yeah, sure. Voilà. Cool. Just talking English, I'll translate cool. in French. Cool, sounds good. Ok, y a pas de soucis. Donc, alors, comment ça se passe la Tour Eiffel? T'as été déjà monté dedans? Have you been up the Eiffel Tower yet? No, not yet. I want to go today. Non, il va y aller aujourd'hui. Oh, bah d'accord, ok, très bien, parfait. Bah, par contre, je suis pas sûr que ce soit le meilleur joueur. Si les filles, elles entendent ça dehors, elles vont tout aller à la Tour Eiffel. Ah, bah ça va être le drame. Alors, t'as quel âge en fait, Justine, exactement? So, how old are you actually? I'm 15 years old. Ah ouais? Yeah. 15 ans. Ah ouais, c'est pas mal. T'as vu, il a une meilleure casquette que toi. À 15 ans, il a plus de dégaine déjà. Ah, c'est vrai. Ah ouais, je te confirme. Bah, et donc, tu vas encore à l'école? Comment ça se passe? I have a tutor that travels with me. Stuff that I do school online. En fait, il a un tuteur quand il voyage ou alors il fait l'école par internet en fait. D'accord. Et ça va, t'arrives à gérer? Can you deal with that? Is it easy to deal? I mean, it's actually kind of fun. I get to like travel all around the world, so it's been a blast. Ouais, c'est même assez amusant quoi, parce qu'en plus voilà, il a la chance de voyager à travers le monde, donc c'est. C'est vraiment bien. C'est mieux, c'est au moins tu vois pas la tête de con de tes profs tous les jours. C'est clair, ou même des autres élèves, hein, ouais, c'est au final. Hein. Et y a pas de jaloux entre les élèves justement, c'est comme des stars, tout ça, machin. Y en a pas qui tirent la gueule quand tu retournes au bahut à un moment ou à un autre. You never get back to school, or once in a while. I don't think so. No, I'm still gonna do. I'm doing school at home, but I don't think I'll go to a regular school. L'école à la maison. Are your friends jealous because you don't go to school? No, because I mean I still have to work as hard as them at school and stuff. So I mean it's not. It's just that I don't have to deal with the bad teachers. en fait, ses potes, non, ils sont pas jaloux parce qu'ils travaillent aussi dur finalement que les autres. C'est la seule différence, c'est qu'il a pas à se prendre la tête avec les mauvais profs. D'accord. Bon, alors comme t'es jeune, on se demandait donc si t'as bien la tête sur les épaules, si tu sais où tu vas, tout ça, etc. Et où tu seras dans 15 ou 20 ans. On va te faire donc une petite interview quand je serai grand. So we're gonna make an interview which is called When I Grow Up, okay? Okay. To see where you will be in 15 or 20 years. Okay. Voilà. When I'm 20, I don't know. In 20 years, I might be still singing. I don't know yet. I'm kind of just, I focus on. Right on va now. Voir. Il espère pouvoir continuer à chanter. We've got a few questions. Voilà. Quand tu seras grand, tu feras quoi comme vrai métier? So, bon, bah là, il vient de répondre. When you grow up, what will be your real work? My real work? Yeah. What do you mean? Well, you'll still be singing. I think so. Ouais, okay, il continuera à chanter. Bon, quand il sera grand, il partira où en vacances? C'est quoi son endroit où il rêverait d'aller? Where will you be spending your holidays? Out in Canada with my family. Canada avec sa famille. D'accord. Quand tu seras grand, est-ce que tu auras honte de dire que tu faisais de la musique quand tu étais jeune? Si t'en fais plus, évidemment. When you'll grow up, will you be ashamed to say that you used to make music when you were younger? Non. Non. Ok. Quand tu seras grand, est-ce que tu obligeras tes enfants à finir leurs études? Would you force your children to end the scholarship? Non. D'accord. Quand tu seras grand, tu écouteras quoi comme musique? When you'll grow up, what kind of music will you be listening to? When I grow up, I'll be listening to everything. I mean, I like every kind of music. I like rock. I like pop music. I like rap, rock. I like everything. Tout, à peu près tout, puisqu'il aime tout, le rock, le rap. D'accord. Un petit son de Tata Yo-Yo là pour voir s'il aime vraiment tout. Non, le pauvre. C'est la première fois qu'il vient en France. Je vais pas le dégoûter. Malheureux. Bon, est-ce que quand tu seras grand, tu vas te coiffer autrement? Will you be having a regular haircut? Yeah. Oui, ça oui, effectivement. Ok, très bien. Quand tu seras grand, est-ce que tu troqueras ton t-shirt pour une veste de costard? So, will you be wearing tuxedos? No, probably not. Ok, est-ce que quand tu seras grand, tu diras que la musique c'était mieux quand t'étais jeune? Will you be saying that music was better earlier? I don't know. Ah, il sait pas encore là. Pour ouais, le tu vas le dire. Bon, he thinks you'll be saying it. He's non, sure about that. Mais on disait ça hein, aussi. Non, every person on this planet says that music was better before. Bah oui, les souvenirs, tout ça. Bon, est-ce que quand tu seras grand, tu autoriseras les petits groupes de jeunes à faire des reprises de tes chansons? Will you allow brand new bands to make covers of your song? Maybe. Peut-être. Ah, d'accord, ok. Il a déjà le temps. Il sait comment ça marche. Hein. Bon, est-ce que quand tu seras grand, tu participeras à des émissions de télé-réalité en tant qu'ancienne star du R&B? Do you think you'll be in reality TV shows as in, as being from R&B? Reality? What do you mean? Say that again. You saw a TV show with celebrities that used to make music. I don't know. Non, il pense. Bon, ben, j'espère pas. En tout cas, c'est ça. We hope not. Bon, Justin, donc, t'as commencé en postant des vidéos sur YouTube, c'est bien ça? So it all started with videos posted on YouTube. Alors, comment ça s'est passé? How did it happen? What happened? Basically, started posting videos online just for friends and family, and just kind of like just escalated into bigger things. I got a record deal from YouTube, so. Et ça. Yeah. En fait, à la base, il avait juste posté des vidéos pour ses amis et pour la famille. En fait, ça a complètement escaladé et il a terminé avec un contrat carrément d'enregistrement. Alors, chez YouTube. Bon, on va récupérer Toff dehors avec le public qui est là, Toff. Oui, je suis là, Bon, très bien. T'as chopé des questions? Oui, j'ai chopé plein de questions. Bon, parfait, vas-y, commence alors. Bon, alors, je te passe la première, mais donc faut que je passe le casque, sinon les gens ne t'entendent pas. D'accord, ok, parfait. Comment Zach s'appelle-t-elle? The people from outside the radio. Comment elle s'appelle? Lilia. Oh, salut Lilia, comment ça va? Ça va bien. Oh, t'as attendu sous la pluie et tout, c'est dommage. Ouais, c'est horrible. Ouais, je sais. Bon, Justin t'écoute, il est là. Lilia, Justin, Lilia. Bonjour Justin. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ah, comme c'est comme ça. Bon, c'est quoi ta question Lilia? C'est pour savoir s'ils comptent faire des concerts en 2010. En France? Oui, en France. Do you plan to make some shows in France in the next year? Yes, I definitely plan to do some French some tours in Europe in general. But definitely plan to come to France. Oui, il va faire effectivement une tournée en Europe et effectivement c'est évident qu'il va faire des concerts en France. Voilà, Lilia. Merci. Ben je t'en prie, gros bisous, Lilia. Gros bisous. À bientôt. Bon, récupère. Tu me repasses Toff directement, Toff. Oui, je suis là. Bon, très bien. T'en as une autre sous la main, on fera ça dans un instant. J'ai une question, alors je te passe Sophia. Ah bon, vas-y, fais ça maintenant, comme ça c'est fait. Tous tes prénoms en A, c'est assez perturbant. C'est parfait. En quoi c'est perturbant? Mais à part Toff, hein, que ça peut perturber. Allô, Sophia? Oui, bonjour. Salut, Sophia. Donc, t'es en direct de dehors de la radio, donc avec Toff, hein, qui fait un plaisir. Vous avez remarqué qu'on n'a pas dû assister pour qu'il sorte. Hein. C'est bizarre. Bon, Sophia, je te présente Justin. Justin qui est donc là. On t'écoute ta question, Sophia. Justin. Bonjour. Alors, ça va? Ça va comme bien. Ça. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il pense de l'accueil des fans en France? Parce que j'ai vu qu'elle s'est un peu hystérique, est-ce que ça le fait peur ou... So, she wanna know, what do you think about the French audience? Don't you think they're like hysterical and just crazy? No, not at all. I think that all my fans are amazing and like... I wouldn't be in this position without my fans, so I love them. Non, il y a vraiment aucun souci. Il trouve que ses fans sont extraordinaires et il serait absolument pas là où il est aujourd'hui sans les fans. Il leur doit vraiment tout, donc il les remercie. Voilà, Sophia. D'accord, merci beaucoup. Je te fais des bisous. On récupérera Toff dans quelques instants. On va faire une petite pause. Je propose que tu fasses ta première chanson. On va faire, tu vas faire laquelle surtout? You'll be playing your first song live right now. Which one will it be? I'm gonna be playing. One time. Ok, très bien. Et bon, le roux, si à un moment tu veux l'accompagner à la guitare. Hein. Ouais, mais bon, je vais pas trop l'humilier quand même. If you want to, we can play along with the guitar. Oh, le mytho, ouais. Il a bon. Pas voulu répondre. Hein. Non, t'as remarqué aussi. Il a souri gentiment, mais. Bon, on fait le live donc de Justin Bieber maintenant. One time. Got my heart went knock knock. Now them butterflies in my stomach won't stop. Even though it's a struggle, love is all we got. So we gon' keep climbing till the mountain top. Your world is my world, and my fight is your fight. And my breath is your breath when you're hurt. 'Cause girl, you're my one love, my one heart, my one life. For sure, let me tell you. Tell you one time, and I'ma be your one guy, be my number one girl, always make it time for you. I'ma tell you one time, I'ma tell you one time, yeah, yeah. Your love's so deep, you know that it humbles me. You're by my side, them troubles and are trouble me. Many have called, but the chosen is you. Whatever you want, show. tell her one time, give you everything you need. Down till my last dime, she makes me happy. I know where I'll be, right by your side, 'cause she is the one for me. Yeah, yeah, yeah. Girl, I love you. Girl, I love you. I'ma be a one guy, number one girl. Et le live de Justin Bieber à l'instant sur Énergie avec One Time, tiré donc de My World, l'album de Justin justement. Il y a une question quand même que je voulais te poser, Justin, pour revenir. Pourquoi t'as fait une reprise de Love Me des Cardigans sur ton album? C'est Love Fool, je crois. C'est Love Fool, ouais, mais là c'est Love Me, je crois. You made a cover from this band Cardigans, Love Fool. Yes. How come? Why? I like the song. I just think that it was a great song, so why not make a cover of it? Il aime la chanson, il trouve que c'est une chanson formidable, donc il s'est dit bah pourquoi ne pas en faire une reprise tout simplement. D'accord, ok, bah pourquoi pas effectivement. Ouais. Alors autre question aussi, t'as rencontré Justin Timberlake et Usher, et alors t'as dû choisir l'un des deux pour travailler, t'as choisi qui et pourquoi alors? So you met Justin Timberlake and Usher and you had to pick in between these two one guy to work with. So how come you choose and who you choose? I chose Usher. Basically, they were both like great people, great, nice human beings. So it was basically down to on my label and having L.A. Reid, the CEO of Island Def Jam, supporting me. And just like, I don't know, just stuff my lawyer really took care of. En fait, bon voilà, il a choisi Usher, mais bon, ce sont tous les deux des mecs super, quoi, des super êtres humains, mais voilà, ça s'est plus joué au niveau des maisons de disques, des compagnies et des avocats. Là, tu peux lui dire qu'il a fait une connerie parce qu'à mon avis, la meuf de Timberlake, elle est mieux que celle d'Usher. C'est vrai. He thinks Justin Timberlake's girlfriend looks better than Usher's. They both don't have girlfriends. Ah, ils ont tous les deux pas de copines. Donc. Ah bah merci. Ça, ouais. Donc on sait maintenant qu'il est plus avec Jessica Biel. C'est fait l'honneur. Ah, voilà. Bon, on n'était pas sûr. On attendait. She's glad to hear that Justin is single. Yes. Bon, si jamais éventuellement, on peut les mettre en contact. Avec non, je veux blesser personne, mais j'en ai absolument rien à foutre de Justin Timberlake. T'as une opportunité là. Désolé. On passe à côté. Bon, mais d'accord. Ok, mais pourquoi pas. Hein. Bon, donc tu connais Justin Timberlake et Usher. On va voir si tu as fait le bon choix. On va te faire l'interview. Qui est le plus, si tu le sais, bien sûr. So you do know Justin Timberlake and Usher. Yes. So now we're gonna make a little quiz and you're gonna have to tell us some bad stuff about those guys, okay? Qui est le plus riche? Who's the richest? I don't know. Ah, il sait pas. Je suis pas banquier, j'en sais rien. Non, c'est vrai. Le plus emmerdant. The most boring. I don't know. Il veut pas se. Il prend pas de risque. Mais il a raison, hein. Le plus moche? The ugliest. I'm not like I don't judge men. Non, il est pas dans le jugement donc. D'accord, le plus autoritaire. The most authoritarian. I don't know what that means. Authoritarian. The one that gives you know orders, the most. Il sait pas non plus. Non, mais y a pas de mal. Est-ce que Usher en tout cas il était exigeant avec lui? Was Usher hard to work with? Did he expect a lot of things from you? No, I mean he's like really nice. He's definitely like gets on my back about like just like he wants me to be the best I can be. So he's definitely hard on me. Oui, il est difficile dans le sens où il veut absolument que Justin donne le meilleur de lui-même et soit au meilleur de lui-même. Mais sinon, il est vraiment dans son dos à le soutenir, quoi. D'accord. Alors lequel des deux le plus gentil? On va me dire les deux. Who's the sweetest? Sweetest? Yeah, the kindest. The kindest? I mean, they're both really nice people. C'est tous les deux des mecs super sympas. Allez, à une dernière pour voir, hein, on va voir. Le séducteur. Qui est le plus fort, le plus musclé, le plus sportif? Who's the strongest? I have to go with Usher on that. Ouais, Usher. Ah, quand même, d'accord, ok. Ouais, ça va, parfait. En même temps, ça se voit. Hein. Yeah. Oui, ça se voit directement. Ouais. Bon, il y a un truc qui m'a étonné aussi. T'as dit dans une des interviews que t'as grandi sous le seuil de pauvreté. Tu peux nous expliquer un petit peu, en gros, qu'est-ce qui se passait? We saw on an interview that you said you grew up in poverty. So can you explain us? I mean, I wasn't poor growing up. I mean, I didn't have like a lot of money, but I definitely wasn't like poor. I just didn't have a lot of money. Me and my mom like struggled a little bit, but we definitely got by. I'm here now, and I'm happy. En fait, bon, c'est pas vraiment qu'ils étaient pauvres, mais ils avaient pas énormément d'argent. Et donc voilà, c'était lui et sa mère qui galéraient un petit peu, voilà, pour terminer certains mois. Mais voilà, maintenant ils s'en sont sortis et lui en est arrivé là, donc tout va bien. D'accord. Et quand il va choper son premier million de dollars, il va en faire quoi? So what will you be making with your first million dollars? I want to buy my mom a house. Acheter une maison à sa maman. D'accord, ok. Non, c'est pas mal. Comme Laurent, il aurait répondu ça aussi, Laurent. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Bon, est-ce qu'il a un message à faire passer aux jeunes qui galèrent justement, puisque lui a réussi alors qu'il a 15 ans. Bon, on espère que ça va continuer après, hein. Mais qu'est-ce qu'il a un message à passer? Do you have a message for the people, the young people, having bad times with money, actually? I don't know. Just basically, stay strong. Work hard, basically. Juste rester fort et travailler dur. Et aller sur YouTube. And go to YouTube. Voilà. Go on YouTube. Attends, il y a toujours Tof qui dort avec des auditeurs et surtout auditrices, hein, comme vous avez pu le remarquer. Tof, on s'est beaucoup rapproché, hein, tellement il fait froid. Oui, bah oui, oui, bien sûr. On est très serré. Oui, on a compris que tu faisais ça uniquement pour le bien de la radio. Bon, quelle est la suivante, Tof? Écoute, je te passe la suivante. Très bien, parfait. Donc, il me présente même plus maintenant. Elle va s'évanouir. Hein. Ah, elle va s'évanouir, bah dis donc. Bonsoir, comment tu t'appelles? Sabrina. Sabrina, bienvenue à toi. T'as quel âge, Sabrina? Très bien, c'est parfait. Tu as un âge idéal. T'as quel âge? J'ai 15 ans. D'accord, ok. T'avais une question à poser à Justine? Oui, je voulais savoir en fait à quel âge il a commencé à chanter et puis qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? She wants to know, when did you start singing? At what age? Well, I really sang around the house all my life, but I didn't really start taking it seriously till I was 12. En fait, il a toujours chanté toute sa vie, en fait, mais il a commencé à vraiment le faire au sérieux à 12 ans. And how come did you start singing? Why were you singing all the time? I don't know, it was just something I did. Il sait pas, ça lui est venu comme ça, il avait ça dans le sang, quoi. Bah voilà, Sabrina. Tiens, Sabrina, j'ai une petite question comme t'es là aussi. Qu'est-ce que tu kiffes chez Justin? La musique, le physique, le style, la dégaine, tout? Non, c'est sa voix. Ah, c'est sa voix, d'accord, ok. Bon, bah, elle kiffe sa voix. She's fan about your voice. Voilà, tout simplement. Bon, bah, Sabrina, gros bisous à toi. D'accord. Et puis, tu me repasses, Tof. Salut, Sabrina. Une petite dernière question là, en speed. Tof? Tof? Oui? Ah, une petite dernière en speed là? Une petite dernière en speed, allez, alors la dernière c'est Jessica, comme ça on reste dans les prénoms en A. Allez, parfait, il a travaillé que là-dessus. Hein. Ouais, voilà. C'est juste que s'il y a une Carole ou... voilà, c'est ça, bah non, c'est pas là. Bon, Jessica? Oui. Bonsoir Jessica, t'as quel âge? Bonsoir, j'ai 18 ans. 18 ans, très bien. Fais attention, t'as fait un pervers, hein. Je sais que tu as le bon âge, mais c'est un foiré. Hein. Non, je préfère te prévenir au cas où il te fait des avances. Bon, Jessica, tu voulais poser une question à Justin, on t'écoute. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien, et toi? Ah ouais. Je voulais savoir si tu comptais faire des... Ça va, ça va bien. Tu disais quoi, excuse-nous Jessica, on t'a pas entendu, tu allais faire quoi? Si comptais faire des séances de dédicaces quand il reviendra. She wants to know if you're gonna sign autographs. Yeah, I am. Ouais, il va le faire, il n'y a pas de souci. Bon, bah voilà Jessica, il va le faire, les séances de dédicaces. D'accord, on sera au rendez-vous. Elle sera là, she will be there. Bah voilà, très bien. Bon, tu voulais dire où? Ouais, non, parce que moi j'ai vu sur internet qu'il y avait eu des problèmes avec une séance de dédicace qu'il a faite récemment. Là. Ah oui, effectivement. So ouais. On the internet, someday you had a problem with when you were signing autographs. Ouais. Something bad happened? Ouais, en fait, apparemment, hein, c'est toi qui devais aller. C'est dans l'état de New York, en fait, il y avait pas mal de filles, de fans, en fait, qui ont débarqué pour un événement qui était annulé. Et donc, la police avait demandé à un dirigeant de la maison de disques, en fait, d'utiliser Twitter pour annoncer que l'événement allait être annulé. Il a dit oui, il l'a pas fait en disant je m'en branle. Et donc, du coup, ça a foutu la merde. Et donc, là, la police, enfin, en tout cas, la mairie, je sais pas quoi, a porté plainte contre le mec parce qu'il a foutu la merde et volontairement. Fait arrêter, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Mais contre lui, contre Justin? Non, contre le mec de la maison de disque. D'accord. Apparently, it was a cancelled event in New York. And pardon? It was a cancelled event in New York, and the police asked your manager to tell on Twitter that it was impossible for you to make it, and apparently there has been a lot of problems. Yeah, basically, they told me I couldn't go to I couldn't go to the event because it was basically chaos. And they said if I came in, they were going to arrest me and my mom. So I couldn't go in, and they were like telling me to Twitter or something, but my phone was dead. Okay. So I had no clue. And basically they arrested the vice president of sales for Island Def Jam. Okay. And put a warrant out for my manager's arrest. So. En fait, on lui a dit qu'il pouvait pas aller à cet événement parce que c'était complètement le chaos, en fait. Et donc, que s'il se présentait à cet événement, on allait l'arrêter, lui et sa mère. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le vice-président de sa maison de disques a quand même été arrêté, et il y a eu un mandat d'arrêt aussi pour son manager, carrément. Carrément. On lui avait demandé de prévenir sur Twitter, mais son téléphone était pété. Donc, d'accord. Très bien, les États-Unis, on l'a, le manager. Est-ce qu'on a un numéro de la police aux États-Unis? Oui, on peut trouver ça, c'est pas un problème. Il y a de la thune à prendre, nous, ouais, européens. Surtout que là-bas, ils donnent des réalités. Voilà, je pense, hein, donc. Et là, Justin a compris, il est en train de lui traduire Scooter, I can tell. Il peut partir vite fait. Bon, tu vas dire, oui, ne bouge pas de là, tu vas faire une deuxième chanson. Laquelle est-ce qu'il va faire? Ma voix, c'est insupportable, j'ai envie d'enlever le casque tellement ça m'emmerde. Playing another song live right now, which song will it be? This next song I'm going to play for you guys is called One Less Lonely Girl. Voilà. Très bien, eh ben écoute, on fait ça maintenant, installe-toi, et puis je gérerai juste après, voir combien l'album, si on peut offrir le temps de que je récupère un peu ma voix, parce qu'il va falloir crier, c'est comme dans les enchères, hein, tu sais, il faut taper avec le marteau, tout ça. Donc voilà, deuxième son en live maintenant de Justin Bieber, eh ben écoute, vas-y, c'est quand tu veux, on y va. Bouge pas. Sandro va déguster son sushi coco Nutella. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur. Au pire, ça va vous désinfecter. Et Mickaël revient juste après ça. 21h, minuit. Mickaël. 21h, minuit sur Énergie. 21h, minuit. Du dimanche au vendredi. Tell me that, how many either ors, but no more. If you let me side of your world, there'd be one less lonely girl. Oh no, saw so many pretty faces before I saw you. You now all I see is you. Oh no, don't need these other pretty faces like I need you. February, not one of them spent with you. How many dinner they set, dinner plates, and you didn't even touch his food. How many torn photographs are you taping back? Tell me that you see an open door, but no more. If you let me inside of your world. Oh, no, saw so many pretty faces before I saw you. Girl. So there's gonna be one less lonely, one less lonely girl. There's gonna be one less lonely, one less lonely girl. One less lonely girl, one less lonely girl. Whoa, one less lonely girl. Yeah. Le son en live, le deuxième de Justin Bieber à l'instant sur Énergie avec toujours le nouvel album, donc c'est My World qu'on va négocier dans quelques instants. Donc si vous avez envie de choper le nouvel album, restez bien là, ça va arriver dans quelques secondes. Justin, autre question par rapport à toi forcément, tu joues de la batterie, de la guitare, du piano, de la trompette. Ouais. Comment ça se passe au niveau de comment tu fais la cuisine aussi, ouais. I've just been playing instruments all my life. I started drums at 2, guitar at 7, piano at 5, so. En fait, il sait pas trop, il a juste joué des instruments toute sa vie. Il a commencé la batterie à 2 ans, la guitare à 7, le piano à 5. Est-ce qu'il a déjà fait du triangle? Ouais. Oui. Oui. Ah, du coup, il a déjà couché depuis pas mal d'années avec une fille. Voilà, voilà, c'est ça, ouais. Tiens, parce qu'en fait, est-ce que tu connais Ben Dero? Alors, on n'a pas la console là, mais on a joué avec pas mal de temps la semaine dernière, juste pour savoir si le fait de savoir jouer tout ça en vrai, est-ce que ça marche? Est-ce que ça te donne un coup de main de jouer en faux, quoi? En faux? Bah, ah oui, c'est pas de la vraie guitare. Does it help to know all these instruments to play on Guitar Hero or Band Hero? I mean, somewhat. I don't think not really. Pas vraiment, peut-être d'une certaine manière, mais pas spécialement, quoi. D'accord. You're playing Xbox in one of the videos, I think, no? Yeah. Ouais, ouais, il joue à la Xbox justement sur une des vidéos. Ah bah, très bien. Il dit on devrait jouer là. Oui bah ouais, je veux bien hein, mais bon, on peut le brancher. We're gonna plug it in. On va brancher ça dans deux secondes. Tu voudrais faire quoi? Tu voudrais faire la batterie, chanter, la guitare? Tu voudrais faire quoi? La guitare. D'accord, ok. C'est le meilleur. Alors il faut savoir que on avait joué avec Jason Derulo la semaine dernière et c'est Sandro qui a. Je l'ai battu. Bon de peu. Mais je l'ai battu quand même. Mais qui l'a battu. Donc t'avais joué à quoi? Moi j'étais à la batterie. Ah bah très bien, tu vas recommencer pour voir si on va faire la ligne. Ouais, batterie ou chant, n'importe hein. Bah si tu veux, batterie ou chant, bah très bien. Do you know Jason Derulo? Jason Derulo, do you know? Have I met him? Yeah, I've met him before. Ouais, il l'a déjà rencontré. D'accord. She played against him last week and she beat him. Actually. You beat him? Yeah. Nobody's gonna beat me. Il dit personne va me battre. Parfait. Bah si je suis à la chanson, ouais, ça risque pas. Eh ben fais la batterie comme tu l'avais fait avec Jason Derulo et puis comme okay, ça au moins. Ok, bon tu mets. Ce sera. Five, c'est la seule que je connais. She's picking the song. On va choisir. Tu vas choisir dans un instant au niveau des chansons là qu'on a. Let's do Jackson 5. Let's do it. Ah ouais, Jackson 5, ça lui va. Ouais, parce que c'est la seule que je connais. That's the only one she knows. Ok, ok, d'accord. Bon, en attendant qu'on branche tout ça, vous avez vu que tout le monde là est en train de bouger dans tous les sens. Ça bouge. Hein. Est-ce que t'as des projets autres que la musique? Doing some movies and there's definitely I just was in a couple TV shows in America and definitely plan to do a European tour and a tour in America as well. Il y aura effectivement ouais quelques films là qui vont arriver des séries, des shows TV, des séries aux États-Unis et puis une tournée européenne. D'accord. Également. Est-ce qu'il sait s'il va jouer avec un bel acteur? Dans un des films. Do you already know the cast from the movies you're gonna play in? No, not yet. We're still kind of working on it. Non, il travaille toujours dessus. D'accord. Et au niveau de la série, c'est déjà sur laquelle il risque de bosser? And what about TV shows? TV shows, I was working with Kiki Palmer. I don't know if you know who she is. She's but she's an actress as well as the show was called Jackson 5 or okay. or True Jackson. So that's the TV show about Michael Jackson's. No, True Jackson. I made a mistake. Jackson. Okay, about Jackson. No. En fait, ça s'appelle True Jackson. Ça n'a rien à voir avec la série. D'accord. Okay. Jackson. Bon, et avant de faire justement Ben Dero, là, ça y est, ça fonctionne. On va jouer dans quelques secondes. Ce soir, on va mettre un son, lequel il peut choisir n'importe lequel, tant que c'est pas de son propre album. Is there a song you would like us to play later on? Any song in the world except from your album? Okay. Let's play. Do you guys have Empire State of Mind by Jay-Z? Yeah, sure. Bien sûr, Empire State of Mind de Jay-Z. Eh bien, pas de problème. Ok, ça marche. On va mettre. Il a même pas choisi. Why didn't you pick a band from Canada? You know, like Nickelback or I don't know. What about Tragically Hip? Do you have that? Tragically Hip. Non, ça peut se trouver. C'est quoi comme style? C'est rock, c'est R&B, c'est quoi? I pick a Canadian band and you don't know what it is. Rock? Is it rock music? Yeah, it is. It's ouais. Parfait. We're gonna find it on iTunes. Il a un titre en particulier? Do you have the name of the song? Let's do 100th Meridian. 100? 100th Meridian. Meridian. Ok, d'accord. Hey. Bon, on va très, on va chercher ça. J'ai un compte sur iTunes Canada, donc c'est parfait, je l'aurai. Usher, il va être vénère. Usher's gonna be mad at you because you didn't pick him. Bon, on fait ça dans un, on le passera tout à l'heure avant la fin de l'émission. Et puis, ben, je propose que on fasse les installations là, okay, avec Sandro à la batterie. Play the Xbox. Laura au chant alors. Bah, ouais. Laura au chant. Hein. Mm. Ah, je peux pas. He's gonna sing, she's gonna play the drums. Par contre, je veux pas qu'il chante près de moi parce que c'est horrible. Ça me déconcentre à mort. Dis-lui que, enfin, tu vas comprendre. Si jamais le rouge chante mal, tu peux lui casser la guitare sur la tête. Non. Si, si. You can break the guitar in his head if he sings. I can, that's cool. Yeah. I want to. Ouais, il va le faire. Je veux. Eh bien, parfait. Bon, ben, installez-vous et on va pouvoir jouer là dans quelques secondes. Rock on. Il est chaud, lui. Bon, donc voilà, donc ça y est, la machine est branchée, donc on va pouvoir y aller. Donc Sandro, tu mets en médium. Hein. Non, mais. Si, médium. Médium, je viens de voir qu'il avait choisi expert. J'ai jamais fait en médium. Eh ben justement, il y a un début à tout. Allez, on y va sur les Jackson 5. Justin qui a choisi expert. Hein. Ouais. Ah, c'est mieux expert, direct. À la cool, à la cool. Hero, t'as choisi expert aussi? Non, bah pour le chant. Ouais. Non. C'est mieux, ouais. Bon, allez, on a ressorti Bendy Rowe. On va, vous allez chanter. Moi, j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas, malheureusement, ma voix ne me permet pas de chanter. J'aurais bien voulu, hein. Vraiment. Mais je peux pas. Bon, allez, on y va, c'est parti. Justin, je te souhaite pas bonne chance, tu vas y arriver. Sandro, bonne chance, par contre. Hein. Je suis à droite. Hey. À gauche. Let's do it. Monte le son. Quelle horreur. Sit yourself down, take a seat. All you got to do is repeat after me. A, B, C. La guitare, ça se passe bien. Easy as one, two, three. Easy as one, tell me. A, B, C. One, two, three, baby, you and me, girl. Le vers, on roule le vers. Easy as one, two, three. Oh, seems as do re mi, A, B, C. 1, 2, 3, baby, you and me, girl. Come on, come on, just a little bit. I'm gonna teach you how to sing it. Ça va, come on, come on, come on, let me show you how to bark. Everything, everything. Je n'ai pas raté une note, hein. Là, je sais. Le verre, le verre, le verre, le verre, le verre, le verre. Show complete. He's gonna show you how to get it. You and I do. Listen to me, baby. That's all you gotta do. ABC. Easy as one, two, three. As you cross the rainy. ABC. One, two, three. Baby, you and me, girl. It is back to the melody. That's all easy love can be. That's all easy love can be. Sing, hey, simple melody. One, two, three, you and me. En gros, il y a un Kit Kat qui t'appelle à la machine. Yeah. Ah, elle foire les notes, elle foire les notes. Oh là là, oh là là. She's down, girl. I think I love you. T'as vu, je prends un Kit Kat, elle est tendue. Show me what you can do. Shake it, baby, come on now. Shake it, baby. Oh, oh, oh, shake it, baby. Oh, ça devient jaune chez Sandro, ça devient jaune. Baby, oh, oh, oh, ABC. He's baby and I'm already. He's baby now. That's all his love can be. Ah, c'est ABC. Sandro, c'est jaune. He's like putting up the tree. Sing a simple melody. That's all his love can be. La roue, c'est insupportable. Yeah. Come on, come on, come on. C'est vrai, c'était déconcentré de aussi. ABC, ABC. Qu'est-ce qui chose, qu'est-ce qui chose. Sing a simple melody. That's all his love can be. Par contre, j'ai fait la guitare debout. Come on, come on, come on, let me show what I love. ABC, he's easy. It's like holding up the tree. J'ai hâte que ce soit fini. Sing a simple melody. It's all easy, love, love can be. Ferme ta gueule, je t'en supplie. Oh, oh, oh, baby. ABC, easy, it's like holding up the tree. qui s'est cru à des Je pense que Justin a éclaté tout le monde. Les résultats. We can't let this guy say. Il a dit que c'était trop facile, fallait en faire une autre. 99%. Il a 99% pour 99. 86% de roue et 61% pour le roue. Il dit que c'était trop facile. Can we do a harder song? Une autre chanson, voilà, et qu'il faut surtout pas laisser le roue chanter. C'est normal, c'est parce que j'ai envie de faire pipi. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, t'as raison, effectivement. Ouais. Bon, Jack, ça va être plus dur. Trop facile alors, apparemment. Donc il peut en faire une autre s'il veut, hein. Moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Ouais, moi j'en fais pas une autre, hein. Ah, t'as vu, hein, Sandro, hein. Bon, Justin. Yes. Bon, tu peux pas jouer, hein. You're not allowed to play. Tu vois la fille à côté de toi avec une veste en blanche, elle est méchante, elle veut te faire partir. You have to leave. Voilà, elle veut te faire partir. Elle dit non, il faut aller travailler. Mais il a 15 ans, laisse-le jouer un jeu vidéo. Non mais sans déconner. Stop. Il va falloir se rattraper maintenant. Au niveau des albums, on peut en offrir combien? Ça branle, il joue quand même. Il joue. Alors, combien d'albums on peut offrir aux auditeurs, aux fans de Justin? Non, 20, tu charries ou quoi? Attends, 20. Mais non, combien? Mais non, plus. Allez, combien? Non, combien? Tu travailles pour quelle maison de disque encore? Et quelle maison de disques encore, Toff? J'avoue, j'oublie comme ça, c'est... Je sais plus, je me souviens pas. Parce que EMI et Warner sont vachement généreux. Ils sont vachement, non, ils sont vachement bien, mais... Ça, ils arrivent pas terrible. Ils arrivent dans les 5 ans, dans les 100, et là, c'est au niveau de la raisonnerie. Bon, allez, combien? 50 50 Justin Justin, combien d'albums je peux offrir? Parce qu'elle est radine, là. Parle plus lentement. Parle plus lentement. Combien d'albums est-ce que je peux offrir aux auditeurs? How many am I gonna sell? No. He wants to know how many albums can he give away to the listeners. No. 25. Jason Derulo, il en a filé 100. Et en plus, elle a pas voulu que je joue. 25, c'est pour celles qui sont dehors. How about this? He says Jason Derulo gave 100. Really? Yeah. But he doesn't sell as much as me. Allez, merci à Justin d'être passé. On va revenir dans quelques instants. Et 612, débutez votre message par énergie. Vous mettez ensuite Justin et vos coordonnées complètes pour choper l'album. On revient dans un instant. Restez là. Si les experts Miami devaient écouter une seule émission de radio, c'est une excellente question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de psychopathes. Michael, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Et donc l'interview de Justin Bieber à l'époque où j'avais de la voix. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps. Non, c'était tout à l'heure, mais c'est ouf parce que j'avais l'impression déjà de plus avoir de voix. Ouais. Mais en fait, là, j'en ai vraiment plus. Voilà. Mais moi, je suis impatient de voir demain. Non, bah, on verra rien. Demain, c'est samedi. Et demain, je reste chez moi. T'inquiète pas. Oui, mais justement, je t'appellerai juste pour t'entendre. On va faire foutre. Tu vois, ça fait. Je dormirai, je pense. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? On va faire le GAV maintenant. On va décéder, là. Version. Moi, oui, vous, non. Mais bon, GAV maintenant, comme je l'avais promis, version best-of avec un excellentissime GAV. Bonsoir Cyril, comment ça va? Bonsoir Mickaël, bonsoir toutes les filles. Salut Cyril. T'es en forme? Ouais, je suis en forme. Bon, bah tant mieux. Alors Cyril, on va donc faire un petit GAV, premier de la saison. Ça faisait longtemps, on n'avait plus fait ça depuis quelques mois. On sera peut-être un peu rouillé d'ailleurs. Hein, GAV qui veut dire Garde à vue. Très bien. Voilà, donc le concept est facile. On va appeler, je sais pas qui. Un pote, ouais. Bon, très bien. Donc c'est soit un pote, soit la famille, soit je sais pas, frère, sœur, cousin, cousine, bah peu importe, pour lui dire que t'as fait une connerie avec les keufs, donc que t'es en garde à vue et que bah donc du coup bah ils doivent venir pour te sortir de là. Et bien évidemment, comme nous sommes les flics les plus pourris de la terre, ouais. Nous allons demander de l'argent. Trop d'argent. Ah oui, beaucoup d'argent. Je m'en rappelle plus du concept. Énormément d'argent. Voilà, donc okay, on doit, en fait, l'amende, on doit l'encaisser nous-mêmes. Voilà, ou alors une petite partie de l'air, quoi. En échange. Est-ce que vous avez besoin du téléphone? Non, reste sur le côté quand même, on ne sait jamais. Que se passe-t-il? Le téléphone sonne. Ah d'accord, ok. Micha! C'est incroyable ça! Oui, mais enfin, je sais pas comment marche le standard! Oh non! Bah oui, alors du coup, je mets des sonneries n'importe où, n'importe comment. Bon, alors, distribution des rôles. Ouais. Qui fait quoi? Ah, lui, je suis là. Hein. Ah, Maître Peters. C'est l'avocat, ouais. Oui, très bien. Maître Peters dans le avocat d'office commis. Je suis une merde, je suis une fille, un agent de merde. Un agent de merde, moi, un agent de la voirie. Un ripou, quoi. Moi, je me retrouve sans rien s'il n'y a pas besoin de téléphone. Oui, ben reste là, on sait jamais. Mais faut le décrocher quand il sonne. Oui, mais plus tard. Oui, une seconde. Non. Ne remplaçons pas l'être humain par des machines. Merde. S'il vous plaît, merde. Ça supprime des postes. Voilà, c'est ça, des postes, téléphone. Bon, Cyril, ça va être quoi l'histoire? Qu'on sache déjà plus ou moins vers quoi on va. Ok, ça marche. Alors en fait, c'est simple. Moi, voilà, je suis cuisinier. Ouais. Et là, le 11 octobre, il y a le baptême de mon fils, là. Mm-hmm. Et en fait, donc, mon pote, je l'ai prévenu il y a 3-4 jours que je lui ai envoyé une invitation pour le baptême. Ouais. Et en fait, voilà, je vais lui faire croire qu'au boulot, j'ai piqué plein de trucs, quoi, de l'alcool et des assiettes pour le baptême, quoi. D'accord. Voilà, et que je me suis fait serrer par le chef de cuisine. Mm-hmm. Celui qui m'a attrapé, quoi, il m'a balancé au patron et après les flics sont venus, quoi. D'accord, plus, ok, très bien. À l'hôtel où je bosse, il y a les flics qui mangent le midi, quoi, midi et soir. Donc, vol d'assiettes en plastique. c'est ridicule, hein. Vol d'assiettes en plastique. Qu'est-ce que tu peux avoir piqué d'autre? En plastique, en verre. Oui, enfin bon, bref, vol d'assiettes tout court. Ouais. C'est tolérance zéro, hein, il l'a dit, hein, Sarko. Et de l'alcool aussi, ouais, très bien. Bon, bah, du danger. Attends, un truc un peu plus trash aussi. Du shampoing, il a volé. Non, mais c'est pas. Il a volé de l'alcool. Non, mais un cadeau, genre, c'est un vase chinois ou tu vois, faut que c'est un peu de gueule, quoi. Parce que là, il a volé des assiettes en plastique. Oui, avec un vase chinois, là, de la gueule. Mais un truc. Alors là, d'accord, monsieur. Ça change tout. Je sais pas, un truc d'antique. Normalement, quand ils livrent l'alcool, ils offrent des fois des verres, là, plein de verres, quoi. On va dire que j'ai mais mec, les filles, ils vont pas se faire chier parce que t'as volé des assiettes. Voler, c'est voler sur repas, quoi. Mais tu rigoles ou quoi? On t'a dit c'est pas des assiettes en plastique. Qui vole un bœuf, monsieur. C'est des vraies assiettes. Oui, si vous voulez. Eh, Roux, de toute façon, tu serais le premier à en piquer, hein, si tu pouvais l'avoir gratos pour chez toi. Pas des assiettes en plastique, je suis pas un crevard. Non, mais je fais pas des pique-niques en plus. Je suis pas un crevard. Alors là, je crois qu'on peut rater l'émission là, on a fait le top là. Hein. On a fait le top de Lyon, ça c'est bon. Ok, ciao. Non. Bon, allez, on y va, on l'appelle Cyril. Bah écoute, okay, t'as droit à ton premier appel. Pendant ce temps-là, bah nous, on est à la gendarmerie. La cave. C'est un peu l'ambiance derrière. On est la gendarmerie de d'où ça? Langon, L-A-N-G-O-N, Langon. C'est vers Langon. C'est vers quoi? Bordeaux. C'est vers la Chine. Ah, il faut faire l'accent bordelais. Non, mais on connaît pas l'accent bordelais. On va faire l'accent bordelais. Mais si, on connaît. Faut appeler Pedro. C'est le spécialiste. En même temps, les flics. De toute façon, un flic, quand tu imites un flic, il a l'accent du sud. Ouais. Parce que tous les flics. Même s'il est dans le nord, il va dire oh, bonsoir, madame. C'est tout. Non, mais tu peux dire à moins ou à plus. Oui, c'est ça, oui. Allez, dérouillage du GAV, là, ce soir. Dérouillage. On y va. On va se dérouiller. Bon, Cyril, vas-y. Puis nous, on est derrière, on met un peu d'ambiance. T'es dans un commissariat, okay, bien sûr. Ok. Et Maître Peter, c'est ton avocat. Le meilleur avocat. Oui, enfin bon, on va pas s'enflammer. Ah oui, non. Non, parce qu'après, alors, il faut appeler le pompier. Hein. Allô, Yamil? Ouais, c'est Cyril. Ouais, ça va? Ouais, ça va, et toi, ça va pas trop, quoi. Ça va pas trop? Non, ça va pas. En fait, au boulot, je me suis fait serrer. Attends, je suis dans la voiture. Allez, je parle plus fort, hein. Ouais, je me suis fait serrer au boulot. Ouais. J'ai fait une connerie. En fait, j'ai pas prévenu mes parents, je suis à la gendarmerie. À la gendarmerie de où? À Langon. Allez, redis-moi, tu t'es fait serrer de quoi? Ouais, je me suis fait serrer à la gendarmerie. Bon, vous avez bientôt terminé, monsieur, au téléphone. On va pas y passer la nuit, vous étiez censé simplement prévenir une personne. Hein. Je me suis fait serrer, j'ai piqué de l'alcool et tout. En fait, le chef de cuisine, il m'a balancé. Allô, gendarmerie de Langon. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je suis bloqué. Tu veux que je vienne au moins mes parents. Mais c'est chaud. Si tu nous as que ce soit moi ou toi qui les appelles, c'est pareil. Bon, alors, monsieur, là, on va pas rester au téléphone toute la nuit. Hein. Monsieur. Qu'est-ce qu'il gueule derrière? Vas-y. Ouais, c'est les gendarmes. Oui, monsieur, écoutez, c'est-à-dire qu'à un moment, je vous parle, il faudrait quand même peut-être me répondre. Ferme la fenêtre. On va pas rester au téléphone toute la nuit. Est-ce que vous pouvez lui demander de passer le prendre ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait? Mais il va falloir que tu viennes me chercher, ça. Mais je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir. J'ai même pas mangé et tout. Vous voulez pas non plus qu'on vous appelle un restaurateur ou quoi, non? Bah, moi tu me dis ça, moi je t'ai dit, si tu veux que je passe, qu'est-ce que je fasse d'autre? Bon, passez-le-moi, parce que sinon là vous allez raconter votre vie toute la nuit. Yamin, ouais. je te l'ai pas. Comment s'appelle-t-il? Moi allô, je m'appelle Yamin, oui allô, comment je m'appelle Yamin. Comment est-ce qu'il s'appelle? Yamin, je m'appelle. Monsieur Cyril, comment il s'appelle? Cyril Murat, il a dû vous le dire, hein. Monsieur Cyril? Oui. Comment s'appelle-t-il votre interlocuteur? Yamin. Très bien. Allô? Oui allô. Bonjour, monsieur Yamin. Bonjour. Oui, c'est ça. Judon Gerbert au téléphone, commissariat de Langon. Dites-moi, le bruit que j'entends derrière, là, vous êtes en train de conduire un véhicule? Ouais, mais bon, vous n'êtes pas là pour constater, donc à la limite... C'est non, mais là. Vous conduisez bien un véhicule, et si vous me dites ça, c'est que vous conduisez sans quitte main libre, si je ne m'abuse. Ben, un petit peu, quand même. J'ai, un j'ai petit mon peu, oui. Toujours. J'ai mon oreillette toujours avec moi. Très bien, ben, j'espère bien. Voilà. En tout cas, ben ça commence bien. Bon, quand est-ce que vous pouvez venir chercher votre ami ce soir, là? Ben, de suite, s'il faut. De suite, vous êtes à peu près à combien de kilomètres du commissariat? C'est le commissariat de Langon, à une demi-heure, à peu près. Une demi-heure, en roulant à 130? Non, 120, tout va bien. 120, vous ne dépassez jamais la limitation? Ah, rarement. Rarement, donc quand même de temps en temps? Voilà, comme vous, je pense. Non, bah écoutez, seulement en cas d'urgence avec les gyrophares et la sirène, monsieur. Bref, vous n'êtes pas là pour me juger. Okay. Vous pouvez venir avec votre chéquier, carte bleue ou liquide pour payer? Mon chéquier, je viens avec mon chéquier. Pour payer l'amende, hein? Pour payer l'amende. Est-ce que c'est possible? Non, mais dites-moi. Oui, c'est possible, oui, c'est possible. Mais Parce que votre ami, apparemment, n'avait pas de liquidité sur lui, ce qui ne l'a pas empêché de voler allègrement ce qui était disponible. Ouais. Donc il va falloir rembourser, évidemment, vous comprendrez. Hein. Ok, et à hauteur de combien? Bon, écoutez, un petit instant, là, ça, je vous passe la personne qui s'occupe de ça. Oh, Rémi, ouais. Est-ce que tu peux prendre le téléphone, s'il te plaît, là? C'est l'ami de monsieur qui va venir le chercher tout à l'heure, il veut savoir combien est-ce qu'il doit prendre de liquidité sur lui. Bon, je te le passe, tu lui demandes. Allô? Commissariat de Langon, j'écoute. Allô? Oui. Oui, monsieur, monsieur de quel nom, s'il vous plaît? Monsieur de quel nom? C'est monsieur Yamine. Monsieur Yamine. Ah oui, voilà. Donc, vous appelez... C'est quoi? Pourquoi tu me fais chier, là? Parce que j'étais en train de regarder une vidéo. Pourquoi c'est quoi, là, Gerbert? Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Je vous entends pas très bien. Bah, il faut que tu vois, là, combien s'il doit venir et combien de liquidité doit venir, là, pour l'amende du petit, là. Oui, on me parlait d'amende. Je retire combien? C'est quoi? On me demande de retirer, combien je retire? Voilà, c'est tout, point. Bon, dis 8000, le forfait. Oh, il va se calmer, lui, oh. Oh, je suis en train de demander la question et toi tu ouvres ta gueule. Calme-toi, ouais, okay. Hein. Ouais, ok. Ok. Voilà, bon, on a fait le listing, je t'avoue que c'est le vase chinois qui coûte le plus cher. Hein. 2500 euros pour le vase déjà. Hein. Ouais, non, mais un vase chinois, tu me dis, un vase chinois. Ouais, tu il a volé. Il a... Tu veux pas... Oh, pourquoi tu me tutoies? Oh, Robert. Attends, il me tutoie le mec. Attends deux secondes. Ouais, allô. Okay. Il y a 2500 euros juste pour le vase. Ouais. D'accord. Et ensuite, pour le reste, c'est 3200 euros. Le vase de là, ce truc moche, 2500 euros. Ouais, 3200 euros. 3000, non, tu ajoutes 3200 ouais, à 2500. À 23h, qu'est-ce que je fais avec 3200 euros? Je vais pas chercher 3200 euros. Oh, Rémi. Oh, lui, il a pas attendu hein, pour voler 23h ou pas, il s'en fout. Hein. Ah, vous avez vu le match hier soir? Bon, la suite du jeu avec la deuxième partie qui arrive dans quelques instants. Vous avez certainement compris que c'était de la rediff et donc du best-of ce soir, en tout cas pas pour toute l'émission, mais pour certaines parties, avec c'est le jeu avec qui débarque. C'est Mickaël qui vous parle, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est Mickaël. On n'a pas changé d'animateur, hein. Quoique on pourrait imaginer, mais bon. La suite du jeu avec dans un instant et un tout nouveau mag qui ne sera pas animé par moi, mais ce sera qui veut faire? Oh, Jack. Jack. Au hasard. Allez, Jack va faire le mag dans un instant, donc lui il est tout frais, il est tout beau, hein. Vous inquiétez pas, on fait le jeu avec dans un instant, restez là. Bouge pas. Tof part dans une exploration au plus profond de ses narines. Et Mickaël revient juste après ça. Et retour de l'émission comme tous les soirs avec la suite du GAV. En attendant, le nouveau mag qui arrive dans un instant et qui sera présenté par Jack ce soir, puisque c'est pas possible pour moi, vous avez certainement remarqué. Non, pas du tout, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu plus de voix en fait. Ah bon? Et donc, on avait diffusé un des bons GAV que nous avions fait et je propose qu'on continue là où on s'était arrêté. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Allô? Oui, allô. Allô, à qui j'ai l'honneur là? Est-ce que monsieur Gabine? Oui, c'est ça. Oui, très bien. Bon, adjudant Gerbert ici. Hein. Donc, l'avocat de c'est votre ami ou votre frère? Ah non, c'est mon ami. C'est votre ami. Donc, l'avocat de votre ami est arrivé il y a quelques minutes au commissariat. Donc, il est en train de s'entretenir avec lui. Ouais. Vous aviez été en contact avec un de mes collègues à l'instant, donc. Hein. Oui, c'est ça. Très bien, l'agent Rémi là qui a fait le calcul donc de ce que vous devrez rapporter au niveau de l'argent, du chèque ou de l'espèce, bref, peu importe. Hein. Oui. Agent Rémi, je vous le repasse, vous avez fait le calcul? Ouais, il y en a éventuellement pour 5700 euros. 5700 euros? Ah, ça fait 2005 le vase chinois et oui. 3200 euros pour les autres articles. Pourquoi tu prends Donc 5 700 euros. Voilà, et sans compter la majoration, de la personne qui est passée ici, qui nous a emmerdé toute la soirée. Voilà. Okay, et Cyril, il a pas son chéquier pour lui pour payer sa connerie. Non. Cyril, il a rien du tout. Il a juste un vase chinois qui coûte la peau des fesses. Oh, et... Rémi. Ouais. À la limite, dis-lui qu'on peut faire 3000 et on fait pas de papier, comme ça, voilà. Ouais, tu ramènes 3000 en liquide. On fait pas le papier. Après, vous arrangez entre vous et c'est mieux que 5700. Hein. Ouais, on va faire ça. 3000 sans papier, ouais. Mais vous êtes qui 3000 sans papier Non, je ne suis pas un sans papier, j'ai ma carte d'identité. Oh Rémi, tais-toi, l'avocat arrive, Ah, je n'ai pas entendu. Oh Rémi, tais-toi, il y a l'avocat qui arrive, là, il veut lui parler, on lui proposera après. Maître, vous pouvez parler à l'ami si vous voulez, vous voulez lui poser une question. Passe-moi le vase un coup, là. Oui, je vais prendre du... Oh putain, le vase. Ah oui, mais alors là, il est dans le... Oh là là. Ah oui, c'est du pas très... Enfin, il est plus entier, quoi. Ah oui, là, il est plus entier, là. Allô ? Ah bah c'est le détenu, hein, qui l'a pété. Allô ? Oui ? Oui, vous êtes dans vous êtes dans le téléphone ? Ouais, allô ? Dans le téléphone, ouais. Ah oui, allô, allô. Voilà, oui, je présente moi, hein, donc je suis Maître Peters, hein, je suis avocate dans le stage, hein, dans le barreau de Bordelais. Allô ? Oui, je vous écoute. C'est un peu un gag, mais bon, vas-y, oui, je vous écoute. Oui, non, pas du tout. Normalement, ouais. je suis avocate flamandophile et je suis viendre dans le France pour faire le droit de François. Voilà. Oui. Mais bon, c'est pas l'objet du pourquoi je t'appelle. Hein. En fait, voilà, donc moi j'ai été ici appelé commis dans le d'office pour m'occuper de ton ami. Hein. D'accord, donc Cyril ? Oui. Ouais. Et donc je parlais avec lui. Donc en fait voilà, donc moi je suis viendre ici, moi je comprends pas très bien, ça a l'air d'être un brigade un peu spécial. Hein. Oui. Et bon, votre ami il a fait du pas très bien, hein. ça okay. j'ai du vu. Bon. Okay. Et en plus là maintenant que c'est cassé, on est dans le merde. Hein. Oui, parce que... Donc qu'est-ce que vous. Oui, je vous écoute. Donc qu'est-ce que je dois faire en fait en gros, là. Oh fais gaffe là, il essaie de se barrer là. Voilà. Moi je veux dire. C'est de se barrer. Oui, votre ami il est un petit peu. Oh, tu le tiens Rémi là hein. Récalcitre ouais. Non. Quoi, il fait quoi ici? Il est. Oui, enfin bon. Volontairement cassé le vase, on l'a vu hein. Lâche le chien. Restez calme avec le chien, nous sommes trois agents à s'arranger hein. Moi j'ai peur le chien, monsieur ici. Donc voilà, moi ce que je propose, toi, c'est. Tu as une voiture? Tu as une voiture? Oui, je suis dedans. Oui, mais c'est quoi comme voiture? Ouais, non, mais c'est quoi comme voiture? C'est quoi le. Non, c'est pour faire. Si je vous dis la marque, ça va vous avancer à quoi là? À connaître le combien elle va valoir. Hein? Combien ton voiture elle vaut, à peu près? À peu près ma voiture, voilà, attends. Combien vaut ma voiture? Qu'est-ce que ça peut faire? Combien vaut ma voiture? Mais parce que. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qu'elle vaut ma voiture? Non, parce que, en fait, moi, je suis prêt ici à faire une proposition que ça arrange tout le monde. C'est tu viens avec ton voiture et moi, je vous ramène avec mon voiture. Ah ouais, ok. Alors écoutez-moi bien. Moi, je suis dans ma voiture. S'il faut venir, je viens. Bon, maître, il a accepté ou pas? Si mon chéquier est dans la voiture, s'il faut faire un chèque, je le fais. Mais vous pouvez faire un chèque. Je ne dis pas à ta voiture ou je sais pas quoi. S'il faut faire un chèque, je le fais, le chèque. Oui, mais vous pouvez faire une chèque de à peu près 6 000. Oui, mais de 10 000 si tu veux. De 20 000 si tu veux. Une seconde. Je parlais avec monsieur le brigadier. Monsieur du brigade, il peut faire une chèque de 10 000. Avec plaisir. On fait pas de papier alors, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Alors voilà, écoutez, le monsieur ici, il est d'accord. Mais hein. Pourquoi tu me dis 10 000 là? Pourquoi tu me dis 10 000? Vous me dites 10 000, monsieur. Tu m'as dit 5 700 tout à l'heure. Pourquoi tu me dis 10 000? 10 000, c'est bien. Hey, 10 000, on peut le ramener, Cyril. Hein. 5 700, je fais un chèque de 5 700. Voilà, Cyril, moi, je suis vous me dites vous problème, me 10 000 maintenant, le monsieur, il veut 10 000. Hein. Ah, il a proposé 10 000, c'est enregistré. Ah, en plus, okay, ouais. Je tiens à rappeler, vous pouvez lui dire, maître, que. Son ami a cassé le vase devant nous, hein, par colère. Oui, voilà, parce que le problème qu'on a ici, c'est que donc la police, elle a cassé le vase, mais elle dit que c'est ton ami. Non, arrêtez de dire n'importe quoi. Et donc moi, après ici, je peux rien du faire, hein, parce que moi j'ai rien du vu, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois surtout que t'es en train de me prendre pour un gros con. Hein, mais ça, je suis en train de le voir. Là. Tu veux que je te fasse un chèque de 10 000 et parce qu'il a cassé le vase. Ça rien, bonjour. Oui, mais non, moi je veux du rien. Moi, je veux tout le monde, il est rentré chez lui, pas trop tard, hein, parce que... Voilà, mais comment ça... Oui, mais alors... Parce que, tu comprends, moi, je suis pas ici, je suis pas... Je vous dis qu'il a cassé le vase, devant mes yeux. Oui, j'ai dû voir ça, monsieur. Écoute, c'est tout. Mais il est un peu énervé. C'est un fou furieux. Oui. Moi, je suis pas très à l'aise, hein, donc je préfère tu payes 10 et puis on est tranquille tous. Hein. On veut la main, on y va, on fait comme ça. Voilà. Vous m'avez dit, je fais un chèque de. Écoutez-moi, je suis sérieux, je fais un chèque de 7 ans. Je suis là dans la demi-heure. Oui. Ne raconte pas tes trucs à Dinil ou je sais pas quoi. Voilà. Bon, attends, je vais voir maintenant. Je rappelle qu'il a cassé le vase devant nos yeux. Il vient, il paye et puis c'est tout. Attends, je vais voir maintenant s'il veut pour 5007, là, maintenant qu'il m'a dit 10. Oui, monsieur Dupont. Voilà. Oui. Voilà, il dit 5007, hein, pas 10. 5700 ? Oui. Ouais, et 6000, on n'en parle plus. Mais non, mais pourquoi il me parle de 6000 ? 5700, on m'a dit qu'on rappelait, on m'a dit qu'on rappelait dans le montant. Bon, c'est 5700, que j'en ai rien à foutre du val. Mais monsieur, tu discutes. Bon, maître. Tu discutes, alors le chiffre, il monte. Hein. Donc là, c'est 6 maintenant. Bon, qu'il écoute bien, là. Rémi ? Ouais. Va t'occuper du petit, une petite seconde là. Je lui fais quoi? Bah tu lui fais ce qu'on fait d'habitude. Ok. Prends le bouton. Monsieur, moi je pense tu dois dire 6, c'est bon. Hein. Je pense c'est mieux pour toi si tu veux ton ami. Ton ami ne fait pas des tâches sur le banquette. Hein. Ah non, mais qu'est-ce que tu dis? Là je comprends pas une seconde. Soit c'est un gag, soit. Rigaldi Gerbert, je fais quoi dans la pute que j'ai ramenée là? Eh mais vous allez pas m'enfermer comme ça! Depuis tout à l'heure, elle gueule! Oh, Luc, tu la mets dans la cellule numéro 3, on va garder l'autre en premier là! Non, mais j'enlève pas mes chaussures! Soit c'est un gars, mais soit c'est un truc de fou le truc! Mais soit c'est un gars, mais soit c'est la faute! Monsieur, je pense que c'est un peu ici une commissaire dans le bizarre, alors moi je veux bien que tu viennes vite, comme ça on s'en va tous! Et comme ça je m'occupe pas de. Bon, alors d'accord, je viens! De toute manière, je viens! Très bien, viens et après tu fais le chèque, hein. Après on verra combien. Bon, mais... bah, attendez, maître, il y a son client et votre client qui veut reparler à son ami, alors très brièvement, parce qu'on va pas payer la communication non plus toute la journée, si vous voulez ce que je veux dire. Je comprends, hein, monsieur l'agent, moi je veux pas énerver toi. Hein, oui, donc... j'aimerais bien que vous m'énervez pas, sinon vous êtes terminé au trou avec le vase. Oui, reste dans ton calme. Hein. Bon, monsieur Cyril, je vous repasse votre ami 30 secondes, hein. Après on arrête. Ok. Bon, laissez-moi sortir. Allô, Yamine. Ouais. Eh mais c'est un truc de fou ce commissariat. C'est un truc de fou. Et tu verrais, il y a des bouteilles partout. Ils sont bourrés. Je rappelle qu'il y a des morceaux de verre partout. Parce que Yamine, vous avez appelle un autre commissariat et tu les fais venir. Ah non, mais tout à l'heure, je l'entends dire machin, je te mets des coups, je sais pas quoi. Là. Qu'est-ce que tu veux dire Ouais. Non mais fais gaffe. Hein. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Mais t'étais là, non? T'es m'en raconté. Ils m'ont dit que t'avais braqué les bouteilles ou je sais pas quoi et qu'ils allaient faire un chèque. Voilà. Et vous avez cassé le vase, monsieur! C'est ça, ils me demandent de l'argent, mais ils sont bourrés. Non, mais de toute façon, si je viens, je fais un chèque et. Appelle le commissariat qui va y inspecter là-bas, ils sont fous. Ouais, mais je fais un chèque et son truc pas déclaré, c'est mort. Parce que si tu fais un chèque, on le prend. Ah ouais? Et alors de la police, tu l'encaisses où? De quoi? Et alors de la police, tu l'encaisses où? Tu mets ça à mon nom personnel. Ah ouais, ok, ouais. Voilà. Ah, tu me donneras ton nom et puis je te. Bah, pas de problème. Alors, tu mets ça à l'ordre de Michael. Ouais, Michael. Voilà. Ah, ok. Ouais. Allez, Michael Héroux. Surtout. Allez, c'est bon, de toute façon, je ne le ferai pas. Donc, voilà, tu fais ça à l'ordre de Michael Héroux. Ouais, ok. Et l'adresse, tu mets 22 rue Boileau, 75016 Paris, à l'ordre de NRJ. La radio. Ah, ok. Voilà. Ok, donc énergie, ok. Okay. Oh, bien joué. Et bien joué. Bien joué. C'est bien foutu des maquilles. Yamine, c'est une blague. Vérifier, hein. Non, c'est vrai, en fait, il y a les commissariats qui donnent énergie, on s'est déplacé en fait. Yamine, c'est une blague. Ok, bah de toute façon, j'ai pensé un peu quand t'as fait ces bruitages de bim boum bam, là j'y croyais pas trop. De bim boum bam. Bon, Cyril et Yamine, on va vous filer les cadeaux, je vous repasse Micha au standard. Et puis en tout cas c'est bien, hein. Yamine il vient, il fait un chèque et tout, parce que franchement. Dimille, moi, hein, il est pas tout. Voilà, et retour du Javen et du Chéri, je t'ai fait cocu normalement lundi en direct avec une voix normale. Oui, j'espère. Voilà, bougez pas de là juste après le son, on se fait péter le mic. Allez, retour de l'émission sur Énergie comme tous les soirs entre 21h et minuit, version light ce soir puisque plus de voix. Donc bah c'est pas grave, hein, on a des meilleurs moments, on a des trucs qu'on avait déjà enregistrés à l'époque où j'avais de la voix ou du moins ce qu'il en restait. Et puis bah là on va se faire un tout nouveau mic, mais cette fois-ci c'est Jack qui va s'y coller. On va tenter ça, je peux pas le faire. Hein. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le mic du jour de l'actu condensé à notre sauce, on perd pas de temps et on démarre avec les titres du jour. Mercredi, c'était le début de la vaccination contre la grippe A dans les collèges et lycées. Alors attention, il faudra cependant un accord parental pour les moins de 18 ans. Ouais, c'est un peu comme pour les films de cul en fait. Hein. Sauf que bon, les effets secondaires sont quand même beaucoup plus agréables que ceux du vaccin. Pervers de merde. C'est clair. Je vois pas de quoi tu parles. La relève s'organise dimanche dernier. Les jeunes socialistes étaient réunis en congrès à Grenoble. C'était l'occasion pour eux d'écouter leur leader, Martine Aubry. La patronne du PS a critiqué Sarkozy. Ensuite, elle a critiqué Sarkozy. Et enfin, quand même... Ah bah, elle a quand même donné des idées, un programme, des solutions, enfin une alternative, tout ça quoi. Non, non, elle a encore critiqué Sarkozy. Mais l'avantage de Sarkozy sur les socialistes, c'est que même si ses idées nous déplaisent, au moins lui il en a quoi. Bim. Et puis le week-end dernier avait lieu à Paris le salon des services à la personne et c'est un immense succès. Nourrice, babysitter, aide ménagère, le secteur des services à la personne est en pleine croissance en France et pourrait même relancer l'économie. Alors pour savoir s'il s'agit d'un cas isolé ou si d'autres pays sont concernés, nous avons avec nous l'italien préféré des Français, Roberto Benigni. Non, plus cochon. Rocco Siffredi ? Non, plus cochon. Ah, Silvio Berlusconi. Gagné. Bonsoir Silvio. Buonasera a tutti frutti. Come stai? Va bene? Ça va, ouais. On voulait savoir, en Italie, vous utilisez beaucoup les services à la personne ? Ok, tu me poses des questions à moi ? Non, il n'est pas celui qui utilise le plus. Hein. C'est bien, vous montrez l'exemple à votre peuple. Et alors, le service à la personne, vous en servez pour quoi ? Pour le ménage ? Ma qu'est-ce que tu racontes, le ménage ? Moi je te parle de service à la personne, toi tu me parles de service à la con. Le vrai service à la personne, c'est, je sais pas moi, le massage. Ah ouais, ouais. Enfin je suis pas sûr que les kinés soient considérés comme un service à la personne. Hein, non, il est con lui, hein. Les massages avec la finition et tout ça, tu connais pas ou quoi? Ah, des call girls. Ah ouais, mais on parlait pas de ça nous Silvio. Bon, ça suffit, il y a même vert, hein. Vous n'essayez pas de ce qui est bon. Hein. Ah merci Silvio, merci beaucoup. Bon allez, on passe à autre chose. Ou pas, hein, c'est l'heure du con du jour. Et celui-là regarde un petit peu trop de films. C'est ça Sandra ? Ouais, en fait c'est un ricain, hein. Il est parti à la projection de Twilight. Évidemment c'est pas ouais. Pour ça que c'est un con, hein. En fait pendant la projection du film, mon con a tout simplement à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah il a dû genre filmer le film, non ? Non, il s'est pas luché pendant la séance. Non. Il a fait le coup du pop-corn, il a mis sa bite dans le... Il a dit la fin, il a balancé la fin. Non, en fait, il s'est pris pour un vampire et il a mordu une jeune ado. C'est violent quand même. C'est comme le mec Superman qui tente de sauter par la fenêtre. Ça marche pas. En fait, elle a expliqué qu'à chaque fois que son ami ou elle parlait, un homme qui était assis devant elle se retournait et faisait des commentaires sexuels. Et elles ont rien dit. Bah non, en fait, il faisait pas plus, donc elles l'ont juste remis en place et puis basta quoi. Tu vois, Toff il fait ça souvent, voilà, il se fait remettre en place et ça passe quoi. Et en fait, c'est surtout à la fin de la projection que mon con entre en action. Vas-y. En fait, l'ado a pas trop kiffé l'attitude du gars, donc elle tente de quitter la salle rapidement. Quand même, tu vois, ils se sont dit, bon, il a l'air ouais. Un peu chelou, on va quand même se barrer. Seulement, le mec en question, ben, il lui a chopé les cheveux, il l'a tiré vers lui et il l'a mordu. Mais le mec, il est complètement dans perché. Attends, mais c'est pas possible. Ouais, il a mordu dans le cou. Bah, il s'est pris pour un vampire, quoi. Et alors, il s'est passé quoi après ? Bah, ce bâtard a réussi à s'enfuir, donc il a laissé la gamine toute traumatisée, toute seule, quoi. Oh. Donc, heureusement, il y avait des vidéosurveillances de surveillance dans le cinéma. Ouais, c'est mieux. Donc, ils vont forcément le retrouver, j'espère. Ouais, des vidéosurveillances de surveillance, ça aide toujours. Ouais, et voilà. C'était un con, mais avec un petit bonus, problème psychiatrique en plus. Et merci Sandro pour ce con du jour qui m'est. Ma foi méritait son nom. On passe au sport maintenant. Dans une interview donnée à l'Express.fr en milieu de semaine, Raymond Domenech est notamment revenu sur son attitude en conférence de presse. Il a même reconnu pratiquer une forme d'agressivité, hein, c'est selon ses mots, une attitude que le sélectionneur justifie bizarrement. Alors je le cite, Alors oui, je fais un peu d'humour, de la provoque, je joue parfois les cyniques, j'utilise ma palette de comédien pour ne pas exposer mes joueurs. Et bah voilà la solution, il est comédien. Il suffit de donner un rôle à Domenech, comme ça il lâche l'équipe de France. Ouais, c'est une bonne idée, mais dans quoi il pourrait jouer? Je sais pas, l'emmerdeur. Non, non, j'ai mieux, le boulet. Je peux vous dire que Toff, il s'y connaît. Hein. C'est en foot ou en cinéma? Non, en boulet. Je commence à perdre ma voix aussi. Et puis on le sait, cette année, le Paris-Dakar aura lieu... En Argentine et au Chili. Ah oui, ça peut paraître surprenant, mais c'est un phénomène qui risque de se reproduire. Ah bah ouais, c'est à cause de la crise. Hein. D'ailleurs, le prochain festival de Cannes, bah, il aura lieu à Melun. Et malheureusement, le Tour de France se fera en Roumanie. Ouais, tout se perd, tout se perd. Il va y avoir du monde, dis donc. C'est le moment de passer à la petite astuce du jour. Alors, une bonne idée hein, pour vous. C'est un petit truc mode aujourd'hui, mais pas vestimentaire. D'accord. En fait, c'est mode linguistique. Alors je m'explique, ouais. Si vous en avez marre de passer pour un has-been devant vos potes, hein, si vous voulez montrer que vous êtes hype et tendance, bah abandonnez le verlan, ça sert plus à rien. Oubliez les lol d'internet et autres MDR. Ouais. Maintenant il faut utiliser le nouveau vocabulaire de l'année 2009. C'est-à-dire, ça nous vient tout droit des États-Unis, donc c'est que c'est bien. Bon alors par exemple, parmi ces nouveaux mots, on trouve unfriend. Unfriend. Alors d'après vous, ça veut dire quoi? Bah on est ennemi. C'est ouais. Ennemi. Ça veut dire qu'on n'est plus amis. Friend, c'est ami, donc un, ça veut dire qu'on s'est embrouillé, quoi. Ouais. Ouah, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une personne que tu portes pas dans ton cœur et que tu n'ajouterais donc pas dans tes friends sur Facebook. D'accord. Ah, ouais. Alors, vous pouvez aussi remercier votre chérie pour cette petite séance de sexting qui vous est offerte. Alors, qui sait ce que c'est un sexting? Moi, je dirais que c'est une un truc, tu sais, un truc en deux minutes, du cul en deux minutes, genre ouais. Du cul à la défense. Tu changes et tu changes, non, tu changes. Ah oui, tu changes. Ça a rien à voir. En fait, c'est un mot composé de sexe et de testing. Donc, c'est en gros l'envoi de SMS chaud pour chauffer le gars, quoi. Ah, la okay. D'accord. Ouais. Voilà. Et puis, déçu. Encore un petit dernier. Là, la mort de Michael Jackson aura valu la mondialisation à outrance de R.I.P. Donc, rest in peace. Ouais. Alors, c'est plutôt le terme dileb qu'il faudra désormais utiliser. Ça signifie quoi, selon vous, dileb? Dileb. Dilette qui est effacé, ça va être un truc comme ça. Moi je dirais effacer définitivement. Non, effacer rien à plus voir. Tard. Rien à voir. En fait, ça vient de dead et celebrity. Donc dead dit et celebrity leb. D'accord. À savoir une star décédée en fait, tout simplement. Dileb. Ouais, voilà, c'est sur cette petite astuce que ce mag du jour touche à sa fin. On va quand même terminer en beauté avec le quiz du jour. Le quiz du jour. Jouons au quiz. Le quiz du jour. Le okay. Quiz. Yeah. Bravo. Alors la première, qui a dit si je regarde les 5 dernières années de ma vie, je n'ai pas eu la chance de tomber amoureux? Jared Leto. Ah si, tombe amoureux de Mike. Ah, ouais. Robert Pattinson. Non. Qu'est-ce que vous êtes relou. Quelqu'un qui... Mon incroyable fiancé. Non. Une star de télé, Roux. Un indice, Jack. La indice. Mère du Roux. Non. Un indice, tu veux un indice, le Roux? Oui, non, attends, redis la phrase. Non, c'est bon, un indice. Si je regarde les 5 dernières années de ma vie, je n'ai pas eu la chance de tomber amoureux. Bill Collins. Oh bien, Bill Collins, lors d'une interview pour la promotion du film Arthur et les Minimoys de La Vengeance de Malta. Ah, il joue dedans. Il, ouais, il fait la voix d'Arthur, en fait. Ah, ils ont la même coupe. Hein. C'est vrai. Qui a dit, au secondaire, je n'étais pas comme les autres et je me sentais comme un freak. J'étais étrange car je voulais être comme Boy George. Ah, donc ça, c'est forcément un Américain, ce qu'il a dit en secondaire. Ou un Belge. Ou un Belge, ouais. Ouais. Bah, Vandamme. Non. Bah, voilà. On fait le tour. Non, il y a Plastic Bertrand. J'étais c'est étrange, vrai. Je voulais être comme Boy George. Quelqu'un. Ah. Un indice. Un indice. Ouais. La Bill de Tokyo Hotel. Non, elle lui ressemble déjà physiquement. Oh, c'est pas. Amy Winehouse. Non. Qu'est-ce qui ressemble à Boy George? Une meuf avec donc des. Ah, Osbourne, hein, la famille Osbourne. Osbourne, non, Kelly Osbourne, non. Non, je sais pas. Franchement, ouais, moi, je vois pas. Lady Gaga. Lady Gaga, oh, effectivement, dans l'émission d'Hélène Dégénérée. Hélène Dégénérée. Dégénérée, ouais, je sais pas comment on dit. Qui a dit, Madame Bachelot me demande de me mobiliser. Moi, je m'occupe pas de gérer un ministère. Je ne m'occupe pas de la santé. Si c'est tout ce qui inquiète Madame Bachelot en France, qu'elle se rassure, je suis mobilisé. Allez-y, moi, je sais. C'est goût. Non. Ramayad. Là, l'indice, c'est le Rousset. Domenech. Ouais, Raymond Domenech qui répond enfin à tous ses détracteurs sur le site internet de l'Express. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bachelot, elle avait fait une interview par téléphone et qu'elle avait dit « Allez Raymond, remobilise-toi, tu vas y arriver !» C'était horrible. Et franchement, t'entends ça, même si c'est gentil, t'as envie de dire, mais ouais, c'est quoi cette gogole qui me parle de sa gueule, quoi. Ouais, grave. C'est donc la fin du jour, un autre Mac du jour. La fin du jour. J'ai dit la fin du jour. Ouais. C'est la fin du Mac du jour, un autre Mac du jour, un autre jour. Voilà. Putain, c'était pénible, hein. Oh, ça va encore. Mais non. Non, ça va encore, ça va encore. Par contre, ma voix, elle est pénible. Ouais, oh là là. Là, ouais, toi, ouais. Ah là, c'est terminé. Dans un instant, on va se... Oh putain. On va se cotiser pour t'acheter une voix. Dans un instant, on va, en tout cas avant minuit, passer confession le son. Déjà, on va passer confession intime et le son que Justin avait choisi, le rock canadien, là qu'on mettra tout à l'heure. Dès que je vais te chercher sur iTunes Québec. D'accord, ça marche. Comment ça s'appelait déjà? De quoi le morceau? Ouais. Je sais plus, je l'ai noté là. Je vais le prendre et puis je le mettrai tout à l'heure. Et voilà le son que Justin avait choisi tout à l'heure, Justin Bieber, qui était passé nous voir. En fait, il était venu cet après-midi à l'époque où j'avais encore de la voix. C'est pour ça qu'on a pu vous la passer ce soir, l'interview. C'était 100 Meridian, c'est un son canadien. Et donc, vous allez pouvoir l'écouter, bien sûr, sur mikl.fm dans la rubrique Les Sons. Et très bientôt sur mikl Rock Station, voilà. Bon, dans un instant, ben on va s'écouter les confessions intimes maintenant. Ça me paraît pas mal. Vous voyez, à l'époque, j'avais de la voix, c'était beau. C'est le grand retour, on attendait ça depuis le début de l'été. On était impatients pendant toutes les vacances, pressés de revenir. Bienvenue pour cette nouvelle saison à Confessions Intimes. Bonsoir, et merci de nous retrouver pour cette nouvelle rentrée de Confessions Intimes. Bonsoir, Marion. Bonsoir, c'est une nouvelle animatrice, hein, Marion Jolès. Donc, hein, bon, je vous avoue que ça nous a fait un petit pincement au cœur quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. C'était dur. Bah oui, de dire au revoir à Isabelle Bresse. Ah oui, je comprends. Mais ouais, je sais bien. Après, bon, toutes ces années avec elle. Mais le principal, c'est que l'intérieur de Confessions Intimes n'a pas changé. Ah non, donc ça n'a pas changé. Non. Ah non, non. Notre premier reportage concerne Jérôme. Ah, ça, c'est le mec qui fait de la muscu. Exactement. Et donc, pour info, la dernière fois que Confessions Intimes a eu affaire à un mec qui était à fond dans la muscu, c'était avec lui, hein, souvenez-vous. Voilà, c'est dire si le niveau était élevé. Mais heureusement, Jérôme est pas mal non plus. Donc Jérôme n'a qu'un seul but dans la vie. Faire 100 kilos au développé couché. Voilà, bah t'es pas loin, hein. Jérôme veut être comme ses idoles. Moi, mon objectif à moi, c'est d'être raisonnable. C'est avoir à peu près la morphologie de Stallone ou de Van Damme. Mon objectif. Il est pas très beau, Stallone. Oui, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Bon. En plus, dans Rambo, il est tout déformé et tout. Il ressemble plus à rien. Il a vraiment, franchement, dans le début, de, c'est Rambo 5, je crois, le dernier. 4. 4, 5, je sais plus, enfin le... 5. C'est... Bon, le dernier quoi. Ouais, enfin dans c'est le dernier, John Rambo. C'est John Rambo. Dans le dernier, franchement... Bah il est vieux quoi. Ah mais c'est mais John c'est Rambo le titre. Hein. Ouais, mais c'est pas qu'il est vieux, c'est que franchement il te fait mal au cœur quoi. Et attention, ils vont encore en faire un. Oh, tu sais, avec sa lèvre de côté là, mais là elle est aux oreilles quoi, la lèvre. toute défoncée par les hormones. Et ouais. Mais bon, revenons à notre ami quand même, hein, parce que bon, il y a un moment, faut pas déconner. Donc Jérôme, donc, hein, pour arriver à ce résultat, bah, modeste, Rambo, ouais. Ce résultat modeste. Oui, voilà, il faut pas faire n'importe quoi et Jérôme n'a qu'une devise. Je vis muscu, je mange muscu. Et je dors muscu. Voilà. Pauvreté de la vie du mec. Le pire dans tout ça, c'est, tu sais, ça fait mal au cœur pour lui en plus parce que, bah, il est pas musclé. Ouais, c'est sa femme, hein, surtout la pauvre. Ouais, en plus, ouais, effectivement. La plus à plaindre. Ouais. Mais tu sais, il a sûrement dû commencer il y a pas trop longtemps. Tu vois, merde. La muscu. Oui, la muscu, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça veut dire, à mon avis, il fera comme toi, il va arrêter rapidement aussi. Non, mais lui, ça fait longtemps qu'il en fait, apparemment. Alors, bah non, tu dis qu'il vient de commencer. Lui dit qu'il vient de commencer, mais en fait, il est tellement à fond dedans que t'as l'impression qu'il fait ça depuis 15 ans. D'accord. Il dit que son objectif depuis... Parles comme lui. Son objectif depuis qu'il est petit, c'est de ressembler à Rambo. Tu sais, ils auraient pu faire le reportage une fois qu'il était un peu formé, quoi. Oui, c'est vrai. Là, à la vie, ils auraient peut-être pu un petit peu attendre, effectivement. Ouais. Enfin, bon. Bah, déjà, il croit en ce qu'il fait, donc c'est déjà ça, quoi. Exactement, Jack. Ouais. Voilà ce que Jérôme donc aimerait entendre, sauf que la première qu'il chante, bah, c'est sa femme. Hein. Ouais, mais c'est normal, tu sais, il doit s'amuser à faire bouger ses pecs et du coup, elle déteste ça quoi. Je sais pas si elle déteste ça. T'aimerais bien voir ça, Sandro? Non, si elle aime pas ça. Là, qui bouge. Non, j'aime pecs. Pas, non. Ça m'excite pas, non. Tu sais, le pec qui. Ouais, le pec qui remonte tout seul, c'est avec le téton qui bouge. Et, genre, et il fait ça, et la meuf, elle me dit, mais arrête, t'es ridicule et tout. Et il lui fait, mais non, hein, t'aimes ça, hein, t'aimes ça. Ouais, mais ça lui fait mal au cœur, justement, à Jérôme. Donc il aimerait que sa femme le soutienne un peu, quoi. J'aimerais que tu me donnes ton feu vert. Moi, c'est ça que j'aimerais, c'est que tu me dises, chérie, bon, allez, ça te tient vraiment à cœur. Je t'aime. T'as le feu vert, allez fonce. Un peu comme dans Rocky. Je sais pas si vous avez écouté, remets juste le début. J'aimerais que tu me donnes ton feu vert. Moi c'est ça que j'aimerais, c'est que tu me dises, chérie, bon allez, ça te tient vraiment à cœur. Je t'aime. T'as le feu vert, allez fonce. Un peu comme dans Rocky. Mais à fond ce mec. Et pourquoi il se passe quoi dans Rocky? Eh ben pour Sandro et pour tous ceux qui n'ont jamais vu Rocky, qui n'a pas vu Rocky? Moi, j'ai pas vu. D'accord, bah moi non plus au final. Hein. Voici le résumé par Jérôme, heureusement qu'il est là. Quand dans Rocky 2, sa femme elle veut pas qu'il fasse le match en revanche contre Apollo. Elle lui dit non, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Entre temps, elle est enceinte et elle a des problèmes au niveau de l'accouchement. Elle est dans le coma. Et pendant qu'elle était dans le coma, eh ben, elle a eu le temps de penser à tout ça. Et elle se dit que bah, lui, c'est ça, son rêve, c'est de boxer, c'est d'être champion du monde des poids lourds. Et là, en se réveillant, d'un seul coup, bah, elle s'aperçoit que si ils veulent que tous les deux soient heureux, eh ben, il faut qu'elle dise oui. Et à ce moment-là, elle lui dit, chérie, vas-y, t'as le feu vert. Voilà. C'est ouf. Mais, dis pas si elle meurt à la fin quoi. Ouais, donc par voilà. Contre, pour il a bien la voix des mecs de muscu, hein, pas du tout la voix de Stallone. Ah ouais, c'est ça. Tu vois le gros baraqué, puis après. Hey, salut. Alors, fais attention où je te tape. Mais il s'est complètement identifié. À Rocky, hein. À Rocky. Ah bah ouais. Donc voilà pour le résumé de Rocky. Mais le roux, il est heureux. On dirait que c'est Noël. Ah bah tiens, roux, t'es content de ton émission préférée qui revient là. Hein, c'est pas mon émission préférée, mais j'aime bien. C'est marrant. Bon, Confessions intimes, c'était hier soir sur TF1. Et il y a pas que le roux qui aime cette émission. Et oui, Confessions intimes. Ah bah toutes les autres chaînes. Ouais. En même temps, il y avait Medium sur M6 et Jugez-moi coupable sur France 2. Oui, c'est vrai. On est un peu triste quand même, c'était un peu mieux avec Isabelle Bresse. Ouais, mais bon, en même temps, c'est Marion Jeunesse là qui est plutôt pas mal, hein, qui présente Confessions intimes maintenant. On salue d'ailleurs Isabelle. Ouais, merci bon, Isabelle va. Pour toutes ces barres de rire. Voilà, physiquement, on n'a pas trop perdu au change. Hein. Il y en a une blonde et une brune. Ouais. Donc ça va quoi. Hein. Et bon appétit rond. Je mange pas. Ah bah non, mais là... Le roux ne mange pas, il suce un tweet. Mais quelle mauvaise foi. Bon, pour débuter cette nouvelle saison de Confessions intimes, on a du lourd, puisqu'on retrouve donc un couple, Jeff et Alex. Ils viennent du sud et ils tiennent un bar PMU. Du gros beauf en perspective. En roux, tu peux tenir un bar PMU sans être. Tu me dis sud, PMU, je te dis beauf. Ouais, c'est ça. Bon, Jeff est donc un homme à femme, hein. Il sort beaucoup et il a quelques problèmes de couple et il en parle à un de ses potes. C'est dans ma vie, sérieusement, qu'il faut que je me reprenne. Faut que tu te reprennes ? Ouais, ouais. C'est bien que tu penses comme ça, mais il faut le faire, faut pas le dire. Faut que je me reprenne. Mais ce soir, tu penses quand même ? Mais bien sûr que je Mais bien voilà, sûr, je viens me boire des coups. Bon, et donc Jeff est avec sa femme, donc Alex, hein, ils sont en train de déjeuner à une terrasse, c'est romantique, tout se passe bien, et là, Jeff lui explique ce qu'il recherche chez une femme. Sans faire le beau, le macho ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, putain, un mec, il faut que sa femme, elle le fasse au bandé, quoi. Je sais pas. C'est avec l'accent quoi. Bandé, il faut qu'elle me fasse bandé. Il faut qu'elle me fasse bandé là. Hein. Voilà. Ils ont trouvé les clichés du cliché quoi. Ouais, c'est ça. Et donc Jeff en a tellement marre de sa relation avec Alex qu'il veut divorcer. Heureusement, il peut compter sur le soutien de ses potes. Oh, ça me bat les couilles. Oh là là. On sent les vrais potes qui sont là pour le soutenir. On peut l'aider à s'en sortir. On peut mettre le son en entier parce que c'est drôle aussi. Oh, ça me bat les couilles. Non, en entier. Ah, tu l'as pas en entier ? Si, je dois l'avoir. Ah bah non. Tac. Sinon, j'ai des nouvelles footballistiques après. Hein. Ah, ça vient. Voilà, il est là. Très bien, vas-y. Ah, je vais divorcer pour de bon, je passe. Oh, ça me bat les couilles. Ça fait des années que t'as divorcé pour de bon. C'est chaud, hein. Ah, c'est chaud. Ça fait un an que t'as divorcé, c'est pas mal. Ouais. Oh, ça me bat les couilles. Là. Bon, allez, c'est terminé pour Jeff et Alex. On va avoir du lourd hein, tout à l'heure, puisque c'est un mec qui fait de la muscu, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc la muscu, non, parce qu'on en a encore quelques petits sons, notamment un. Voilà, j'ai pas que ça qu'à foutre. Donc pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, on avait déjà parlé de la muscu, mais il faut pouvoir déjà se refaire plaisir. Voilà. Et de deux, il faut pouvoir faire plaisir à ceux qui n'étaient pas là. Ouais, surtout avec la muscu. C'est vrai. Voilà pour Confessions intimes, le meilleur moment de Confessions intimes. C'était là le retour de Confessions intimes en début de saison, voilà. Bon, on vous l'a mis parce que j'ai plus de voix, donc il fallait bien mettre quelque chose, quoi, en gros. Hein. Non, mais c'était drôle, hein, mais bon, on n'allait pas parler comme ça ou mettre de la musique. Ouais, non, ça aurait été dommage. Voilà, donc je vais très bien, hein, je n'ai pas de problème, c'est juste que j'ai plus de voix, en fait, c'est tout. Donc voilà, dans un instant, on ira chez Jean-Claude. Oh non, il va être content, ça lui fait plaisir de te voir. Ce sera parfait. Allez, bougez pas de là, tout de suite. Si les habitants de Wisteria Lane dans Desperate Housewives devaient écouter une seule émission de radio, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël sur Énergie. Mickaël, 21h minuit. Bien bien plus désespérante que les embrouilles de Desperate Housewives. Et comme tous les soirs sur Énergie, on est là entre 21h et minuit, de moins en moins avec ma voix, mais tout va bien, ça fait depuis lundi que je survis. Va-t-elle tenir jusqu'à la fin de l'émission? Survie. On ne sait pas, en tout cas que ma voix survit. Oui, et vos oreilles. Presque mort. Hein. Ouais, je suis presque mort, hein. Je suis arrivé ou quoi? Oui, tu es un super-héros. Tu peux verser une larme, là? Non. Enfin, demande à Jean-Claude du Fucking Booba, il va te laisser une belle larme dans ta coupelle. Non, mais ça ira, t'inquiète pas. Ta quoi? Ta coupelle. Ta coupette. Pardon. C'est pas grave. Bon, pour jouer au Fucking Booba, justement, avant d'aller chez Jean-Claude, il y a Eric qui est là, du 88. Salut Eric. Ah. Salut Eric. Merde, c'est ma faute. Ah oui. Salut Eric. Comment ça va? Oh bien. Bon, bah, bienvenue à toi, Eric. De l'autre côté, il y a Nicolas, 18 ans, de Troyes. Salut Nicolas. Ouais, ça va, Mika, toute l'équipe, ça va? Salut, comment ça va? Mickaël, excuse-moi, mais t'as la coupe de cheveux de M. Ouais, bah écoute, c'est parti, là, ils sont trop longs. Oh, c'est en styling. Bon, horrible, mais c'est en styling. Oh, elle vient de casser les couilles. Voilà. Ah, mieux comme ça. Là, non, là, c'est pire. C'est pas là, on dirait un Goliot. Ouais, change pas trop d'avis. Eh, on dirait Tom Cruise de profil, je te jure, la coupe. Non, c'est vrai. C'est ça, ouais. Bon, la coupe. Nicolas de Troyes, donc, et nous allons jouer au Fucking Blue Boy. Est-ce que vous connaissez le principe du Fucking Blue Boy? Il n'y a pas de problème, on connaît toutes les règles. Parfait. Alors, c'est le roux, hein, qui est un spécialiste et l'habitué du Fucking Blue Boy. C'est le videur. Il a sa carte platinium. Ouais, je me vide tout seul, moi, là-bas. Bon, on va aller sonner à la porte, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et s'il y a quelqu'un, comme d'habitude, à votre avis, est-ce qu'il aura toujours la même musique de merde? Bah ouais. Des chances. C'est quand même con de devoir sonner et taper après. Ouais. Oui, mais il entend peut-être pas. Moi, je crois qu'il va falloir insister. Je tape fort, là, putain. Ah, quand même. Bonjour, bonjour. Oui, bonsoir Jean-Claude. Ah, mais Cyril. Bonjour, ma grande. Bon, il était temps, hein. Mais oui. Ça fait deux fois que je sonne, là. Oui, mais j'étais occupé au fond du magasin, enfin de la boutique, enfin derrière, quoi. Dans le cul, ouais. Bon, très bien. Et d'ailleurs, comment va le cul du roux, Jean-Claude? T'emmerdes, il touche pas. Ah bah pour le moment, je pense qu'il faut mettre un petit peu de biafine. Hein. Ouais, d'accord. Okay. Parce que vu comment il est brûlé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah bah il a encore le frottement. Qu'est-ce qui vous est arrivé à votre tête, à vous? Hein? Ouais, mais vous me cassez les couilles avec ma tête, là. Ah bah non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Y a rien qui a changé. Ah oui, bah si. Mais non. Si, oh là là, mais vous avez sucé n'importe quoi comme vie. Oui, ah, vous avez remarqué, hein. Ah bah oui, je vois. Ah, c'est le jetard sur la bouche. Ah ouais, grave. Putain, j'en ai il me fait un mal de chien, c'est pas grave. Ah, moi, je l'ai toujours dit, hein, faut pas sucer n'importe qui. Ah bah je sais. Qu'est-ce que vous voulez? Ah bon, bah oui. Jean-Claude, je vous présente mon chéri. Eric et Nicolas. Bonjour Eric. Bonjour Jean-Claude. Oh, ça va, mon chéri? Oui, ça va. Ah, quel âge as-tu, mon loulou? Oh, un petit peu plus que toi, pas beaucoup, hein. On a combien? Tu as combien, mon chéri? Ouais, j'approche d'une cinquantaine. Hein. À 50 ans, mon Dieu, tu as dû en voir passer des bites. Hein. Oh. Ah bah, des grosses. Non. Ah bah, ça, je me doute, hein, parce que toi, tu as l'air d'avoir de l'expérience. Ah, oui. Vraie cochonne, hein, ma chérie. Enfin bon, Jean-Claude, on va pas y passer la nuit. Hein. Ah bah, attendez, on fait connaissance, une seconde. J'ai compris, mais enfin, quand même. Bon, Nicolas. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, mon chéri. Quel âge tu as, toi, mon cochon? À 18 ans, moi, je suis... 18 ans, tu es tout frais, hein. Hein, toi, tout jeune. Mais oui, toi, tu as encore le petit cul bien serré qu'on éclate à chaque pénétration. Oh. Ah bah oui, mais bon... Hey, Jean-Claude, doucement. N'allez pas choquer des futurs clients. Pardon, je vais mettre un peu plus de lubrifiant. Oui, c'est ça, oui. Bon, vous êtes prêts à jouer à mon jeu? À mon jeu? Oui, on est prêts. À mon jeu? Bah oui, c'est mon jeu. Ouais. Bon. Alors, je vous rappelle les règles parce que je suis sûr que vous les connaissez pas. En fait, faut bien répondre aux questions, quoi. Oui, globalement, ouais. C'est un peu ça. Donc, je vais vous poser 3 questions. À chaque question, je vais faire des propositions. Et pour pouvoir répondre... Indécente. Toujours. Donc, pour pouvoir répondre, il faut crier bien fort votre prénom. Vous avez compris? D'accord. Ça n'a pas l'air, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Hein. Alors, vous est-ce que ça va être la même question que depuis 3 semaines? Bien sûr, c'est toujours la même. Ah, donc les fidèles ont plus de chance. Arrête. Évidemment, j'avais promis que cette semaine, c'était les mêmes questions. Oh non. Oh, vous êtes relou, Jean-Claude, là, vous auriez pu faire un effort. C'est vrai, mais non. Alors, première question. Quel animal mâle, quand il est en rut... Animal mâle. Oui. Pardon. Quel animal mâle... Quel animal mâle, oui. Quand il est en rut, voit son pénis devenir verdâtre. Putain, c'est... Ah non, c'est pas les mêmes. L'incroyable Hulk. A, l'éléphant. B, le polo. C, le macaque. Le ou polo. D, le morse. Le polo et le macaque, c'est la même chose. Moi, je n'aurais pas osé dire ce genre D, de saut. D, c'était le morse. Et le B? Le B, c'était le polo. Ça peut être que le macaque à queue rouge. Tu n'as rien compris aux règles de mon non, jeu. Il faut crier ton nom. D'accord. Bah ouais, mais je peux pas le dire, c'est moi. Nicolas. Nicolas, je t'écoute, mon chéri. C'est un problème, toi. La B. La B. Le polo. Et ouais. Non, la bite du polo devient mauve. Et non pas verte. Et non pas verte. Ah, Eric, encore. Je t'écoute. Et ils en veulent encore plus, hein. Ah bah, c'est trop, hein. Ouais, bah oui. Et, bon, Eric, je t'écoute. Eric. Alors. Oui. Donc, c'est la réponse C. Mais non, vous avez dit mauvais. C'est l'éléphant, oui, qui a le pénis qui devient verdâtre. Mmh. Ah, vous avez été mauvais. Bon, deuxième question. Pour quelle raison le sergent François Bertrand fut condamné en cour martiale à un an de prison en 1849? Alors, il avait, petit A, il avait pratiqué des actes de nécrophilie et de cannibalisme sur des cadavres qu'il avait exhumés au cimetière de Montparnasse. Oh, Jean-Claude, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est quoi ton prochain truc, la zoophilie? B, il s'était masturbé dans le drapeau de la République française. Oh. Ou petit C, il s'était promené nu dans sa caserne. Je vous écoute. Nicolas, je t'écoute. Réponse B. La B, mais non, ce n'est pas ça. Encore, non. Eric, je t'écoute. Moi, je pense que c'est la réponse A. Mais oui, c'est une bonne réponse. Il a eu des actes de nécrophilie. Oh. C'est dégueulasse. Oui, c'est vrai. Ça dépend des morts, hein. Oh. Ah, si. Bah, quand ils ont été déterrés, en même temps, il y a les petits vers qui bougent à l'intérieur. Dalida, ça donne pas envie, hein. Ouais, non. Et il a eu qu'un an pour ça. Alors, il devait ressembler à un éléphant, non? Troisième question. Ne vous déconcentrez pas. Alors, à la fin de la c'était dur. Oh là là, c'était dur. Celui-là, il était dur. Les petits poils de bite dans les dents. Fait rester bloqué. C'est ça, ouais. À la fin de la... Eric, écoute. Oui, j'écoute, Jean-Claude. Sinon, après, tu vas encore répondre n'importe quoi. Je vous rappelle que vous avez zéro tous les deux. Ah non, tu as un point, pardon. J'ai oublié de le noter. Alors, à la fin de la dynastie Ming, au XVIIe siècle, combien y avait-il de castrats dans la cité interdite? Petit A, 1. Petit B, 470. Petit C, 70 000. Ou petit D, 100 000. Je vous écoute. J'attends une réponse. Eric. Ouais, la réponse A, il n'y en avait plus. Mais non, Eric, mais non. Nicolas, je t'écoute. Réponse B. La réponse B, bravo, 470. Et ça nous fait une égalité. Une question subsidiaire. Mais bien sûr. Mais bien entendu, Leroux est ravi. Mais oui, je le savais qu'il aimerait bien une bonne question. Alors, je propose que ce soit Leroux qui l'impose. Non, il n'est pas bon pour ça. Ouais, alors, avant de désigner une partie de débauche à plusieurs, que désignait le mot partouze? A, une femme infidèle. B, une partie de cartes. Ou C, une pâtisserie à base de miel. Eric, je t'écoute, mon chéri. Le petit C, alors une seconde, parce que j'ai perdu la question. Oh, Jean-Claude! Petit C, non, c'est une mauvaise réponse, Eric. Nicolas, je t'écoute. La réponse A. La réponse A, mais non! C'était la réponse B, une partie de cartes. On va pas faire une question subsidiaire là. Ah ouais, non. Alors. Pourquoi ils reproposent pas autre chose? C'est ce qu'ils ont fait, mais en même temps, quand il reste plus qu'une réponse. Réponse D. Alors, quel est le nombre mensuel de rapports sexuels des Français de 50 à 69 ans en couple? A, 1,2. B, 2. C, 4,5. Ou D, 7,3. Nicolas, je t'écoute. B. Réponse B. Réponse. Bon alors, putain, c'est le plus long là. Alors, réponse B. Putain. Réponse B. Non, ce n'est pas une bonne réponse. C'est pas possible. Vas-y, ils ont gagné tous les deux. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est. Réponse C, bravo. Oui, c'est une bonne réponse. Eh ben, c'est. Et il était temps. Super, Jack. Allez, casse-toi. C'est fini avec Jean-Claude, il est parti. On a, On a été départagé par le nombre de rapports. Ouais, bah ça doit être ça. Bon, Eric et Nicolas, je vous renvoie chez Michel au standard, d'accord? Bon, d'accord, ça marche. Salut à vous deux, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Bon, et si vous voulez jouer au... Vous voulez vraiment jouer au fucking Blue Boys prochaine? 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez JC comme Jean-Claude avec votre numéro de téléphone et on jouera bien évidemment la semaine prochaine. Bouge pas, bouge pas. Jack continue de réfléchir à pourquoi il a fait un blanc hier soir. Et Mickaël revient juste après ça. Allez, dernière ligne droite de l'émission. Oh, oh, t'es en train de la retrouver. Non, non, non, je pensais, mais en fait, non. Dernière ligne droite donc de l'émission avec le... Putain, ça me fait chier de parler comme ça. Avec le Polo Show qui arrive dans un instant et j'ai calé un petit Billy de ce soir. Ah, de Michael. Des Fall Out Boy. Ah, la vieille feinte. Voilà. Bon, on parlait tout à l'heure en début d'émission, puisqu'on a mis quelques morceaux nouveaux, quelques morceaux de rediff ce soir, puisque la voix est un peu dans le drame. De Sarko, avec l'histoire. Bon, je vous laisse expliquer parce que là, c'est. Oui, c'est Jean Sarkozy, en fait, donc le deuxième fils, celui qu'on a failli mettre à la tête de l'EHPAD de 23 ans, qui, à la base, apparemment, voulait aussi faire une carrière dans la chanson, comme son frère Pierre qui lui produit du rap. Sauf que bah, Jean Sarkozy, lui, voulait carrément chanter et il était particulièrement bien entouré puisque un des grands amis de Nicolas Sarkozy n'est autre que Didier Barbelivien. Et oui, parolier et chanteur de son état. Oh, et du coup, c'est beau. Du coup, on avait imaginé ce que ça pouvait donner. Il y a une autre info là qui vient de tomber sur Jean Sarkozy. En fait, Canal Plus et M6, C'est Canal Plus et M6 en fait qui se sont fait baiser. C'est-à-dire qu'ils ont donc au moment où il y avait l'EHPAD, en fait, ils faisaient le tour d'Europe de toutes les rédactions qui parlaient justement de Jean Sarkozy. Et en fait, ils ont diffusé un reportage en prétendant que c'était un sujet du journal télévisé de la ARD, donc la chaîne publique allemande. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'était juste un montage qu'ils avaient pécho sur le web. Ah, c'est un fake. C'était pas un fake. C'est juste que c'était pas du tout le journal qui avait fait ça. C'était des mecs qui ont un petit site satirique en Allemagne et qui se foutaient de la gueule de Sarko. Bon, nous, on devrait pas avoir de problème avec le CSA puisqu'on vous dit c'est du fake ce qui va arriver maintenant. Sarko qui chante. Bon, nous sommes de retour maintenant dans la salle polyvalente du Conseil général des Hauts-de-Seine. Ça y est. Et nous avons décidé de faire revenir le chanteur que vous avez préféré ce soir pour un dernier appel. Eh ouais, il est là, ou plutôt c'est un extrait de sa maquette qui est là. Il est beau, il est blond, il est grand. En tout cas plus que son père. Non, pas du tout. J'ai nommé Jean Sarkozy. Oh, c'est bon la foule, là. Vous n'avez pas eu à chaque fois que je prononce le mot Sarkozy, là. Ça fait 3 fois quand même. Oh, là. C'est bizarre quand même, hein. Ouais. Bon, attendez, on va faire un test. Mesdames et messieurs, François Fillon. Bernard Kouchner. Roselyne Bachelot. Ah, d'accord, aucune réaction, d'accord. Ramayad. Nicolas Sarkozy. Xavi Darcos. C'est marrant. Jean Sarkozy. C'est automatique, c'est comme les antibiotiques. Même en essayant de faire des feintes, ça marche pas. Ouais, c'est bizarre, il y a une sorte de rejet, je sais pas. Enfin bref, c'est bizarre. Bon, Jean Sarkozy, qui voulait devenir chanteur avant de faire de la politique. Oui, bah ça va. Il avait enregistré une maquette avec Didier Barbelivien et j'ai réussi à m'en procurer un extrait. Et il s'agit d'une reprise de la chanson d'un autre pote de son père, Doc Gynéco. Je sors de chez moi. Bonjour Benoît, tu sors de l'ENA, dis-moi comment ça va. Moi grâce à papa, je travaille à Neuilly. Conseiller de je sais pas quoi, mais bon je vise la mairie. Depuis que j'ai la tête collée dans les journaux, je me suis coupé les cheveux parce que ça fait plus beau. D'autres me guettent sans tête, m'embêtent, alors je me la pète. Ouais, je veux changer d'air, changer d'atmosphère. Je veux me foutre en l'air du tour en vert. Pour ça je veux la présidence de la défense. Oh, il faut que je me lance. Ouais, comme mon papa. Aussi vite que Sénat. Je veux être au sommet de l'État. Comme Nicolas. Clic, clic, boum. Quand je serai président. J'aurais atteint le nirvana. Voilà. Il a une carrière, hein. Ah, il y a une carrière, ouais. Vous voulez qu'on promette celle qu'on avait faite tout à l'heure, là? Barbelivien. Avec Didier Barbelivien. Ouais. Bon, c'était aussi un son, là, qu'un ingénieur du son m'a envoyé, hein, celui qui avait fait l'enregistrement avec Jean Sarkozy à l'époque où il voulait devenir chanteur. À tous ceux qui veulent pas que je sois président. Hein? Non. sous prétexte que je n'ai que 23 ans. Hein? Que je ne suis qu'un jeune homme qui n'a aucun diplôme. Vous êtes vraiment tous très méchants. Je veux les pads, je veux les pads. Paf, paf, s'il te plaît, fais quelque chose. Je veux les pads, je veux les pads. Avant que je sombre dans une psychose. Je veux les pads, je veux les pads. Pour pouvoir repeindre les tours en rose. Je veux les pads, je veux les pads. Et je me fous de ce que les gens pensent. Je veux les pads, je veux les pads. Je veux régner sur la défense. Je veux les pads et un jour je gouvernerai la France. Fais gaffe tes oreilles mon paquet. Voilà. Ah ben voilà, le public applaudit maintenant. Ah ben le public est convaincu hein. Moi je trouve que c'est dommage qu'il ait arrêté sa carrière de chanteur. Sarkozy. Ah, j'ai essayé pour voir, hein. On avait un petit peu de temps, mais bon. Bon, on revient sur Sarko là et sa maison là. La maison de Carla Bruni, donc c'est en région PACA. Voilà, oui, mais d'accord. Oui, mais... Alors, où se trouve C'est dans le Var, dans le Lavandou. Dans le Var, ouais, mais quoi, vous savez quand même la région PACA, non? Oui, mais c'est grand. Oui, oh, d'accord, ok, bon, dans le Var, ok. T'aurais pu passer du coup, comme il n'y avait pas le match la semaine dernière. Ah, bah oui, t'aurais dû le foot, ouais. Même le Var, je sais pas où c'est. Ouais. Le Var Le Var, non, le Var, tu le sais. Le Var, ouais, le Var, tu sais très bien, ça se trouve, t'inquiète pas. 83, je te le fais tout le long. Bon, on va faire le chéri, je te fais cocu maintenant avec Quentin qui est là maintenant. Quentin, 18 ans du 59. Comment ça va, Quentin? Salut toute l'équipe, ça va et toi? Ça va, tranquille, ouais. Et Sandro qui mange son éclair à la cuillère tellement elle a pas envie que ça part trop vite. J'ai jamais vu ça. C'est pour pas salir à mes doigts. N'importe quoi. Bon, bref. Alors. Après, c'est moi qui suis maniaque. Hein. Ouais. Sois le bienvenu, Quentin. On va donc faire un petit chéri, je t'ai fait cocu. Ouais, c'est ça. Ouais, très bien. Un petit GAV, ça te disait pas? Non. Ouais, bah, non. Ici, il y a une meuf, tant qu'à faire. On en fait déjà souvent des GAV. Autant faire un petit chéri, je t'ai fait cocu, là. C'est pas ouais, mal. Ouais, je suis fan du GAV. Tiens, il y a un message qui dit c'est quoi l'EHPAD? Bah, l'EHPAD, c'est l'établissement public d'aménagement de la défense. Voilà. Donc, en gros, c'est la défense dans la région parisienne. Pour ceux qui voient, c'est un immeuble bizarre. C'est le plus gros, c'est le plus gros quartier d'affaires d'Europe. Ouais, c'est un quartier. Bon, enfin, la défense, en l'occurrence. Ah oui, l'arche. L'arche, oui, voilà. Mais en fait, c'est un truc. Non, mais je sais, mais bon, je dis là où il y a le petit bâtiment bizarre. Parce qu'en général, quand on parle de la défense, c'est ça qu'on imagine, enfin, qu'on voit, non? Enfin, je sais pas, moi oui en tout cas, mais oui. Après. Et donc, c'est l'organisme qui est censé gérer tout l'aménagement d'argent. Du quartier, en fait. Et beaucoup d'argent. Surtout de l'argent. Surtout de l'argent. Le plus grand pôle financier d'Europe. Un milliard de budget, je crois, non? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Et voilà, cette fois, c'est vraiment la dernière ligne droite de l'émission. Voilà. Non, en fait, vous m'étonnez, j'arrive à parler très très bien. Hein. Ouais. Par contre, tu prends un peu l'accent du Nord, quand même. J'ai pas le choix. Bon, dans un instant, c'est le Polo Show. Et avant ça, je vous l'avais promis, le son des Fall Out Boy, maintenant, Beat It. Voilà le son des Fall Out Boy, à l'instant, avec Beat It sur Énergie. Et puis, sans plus attendre, laissons place à Polo du Polo Show. Que cette langue est douce à mon oreille. Je préfère la fille là de Aloha from Hell. Ça m'excite. Je sais pas pourquoi ça m'excite. Bienvenue dans le Polo Show. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Oh là là, je suis en pleine forme. Je suis au taquet. C'est vous dire si je suis là. Qui est là? On commence sur le premier auditeur. On y va, on le fait péter. Attends deux secondes. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, d'accord. Allô? On fait le bon bout à terre. Là, vous pas, ouais. Je gère un dos. Ouais, qui est là? Allô, comment tu vas? Ah, monsieur Gilles-Louis, c'est un nom composé. Gilles-Louis. Vous êtes docteur, je sais pas quoi. Non, en fait, vous êtes un escroc. Vous êtes un nom composé qui vient d'Europe accidentale. Ouais, ça, ouais. Enfin, je viens jusqu'à toi pour te proposer mon amitié. Je n'en veux pas. Mais attends, je n'ai pas fini. Oui, mais je n'en veux pas de ton amitié. Tu prends quoi? Tu prends comme ça? Bah oui, ça tu c'est... Tu sais qu'il y a tous mes cousins qui sont derrière, je là. Je m'en fous, moi. Ah, très bien, très bien. Attends, vas-y, je vais revenir, tu vas voir. Voilà. Tu vas voir. Eh ben c'est ça, on fait comme ça, Gilles-Louis. On fait comme ça, ok? Voilà, on fait comme ça. Attends. Allez. Deux secondes, on va écouter un peu de pub afin que je puisse payer mon... mon iPhone et puis on se revient juste après. Son abonnement au téléphone. Vous rêvez toutes de devenir la petite amie d'une star. J'ai Louis, là. Si toi aussi tu veux connaître tes chances de sortir avec Silvio Berlusconi, envoie Age au 15-16-17. Age au 15-16-17 et tu reçois par SMS les probabilités d'être invité par Silvio dans sa villa en Sardaigne. Age au 15-16-17, plus tu es jeune, plus tu as de chance. Ah. Aloha from hell. Okay, j'ai éjaculé. Ah, mais ça arrive. Elle rigole, la pauvre. Once again. Ah, on n'y a pas attendu, j'ai retourné. Ça y est, c'est fini, j'ai éjaculé une deuxième fois. Bienvenue dans le Polo Show. Pour ceux qui viennent d'arriver, le Polo Show, c'est ça. Hein, c'est ce que vous êtes en train de vivre à l'instant même. Alors, on avait monsieur Gilles-Louis, un nom composé d'Europe occidentale, mais en fait, qui est un escroc. Oui. Hein, vous travaillez au marché de Saint-Ouen. Ah non, je ne bon, sais vous pas. Êtes, vous vouliez quoi? Vous vouliez quoi? Je m'en fous. Vous vouliez quoi? Oh, les frangipanes. Oh, la frangipane, oui. Tu veux quoi? C'est quoi? Tu voulais quoi? Eh bien, je te propose ma frangipanière. Ouais. Alors, j'ai ton cousin là. Bon, le cousin. Oui. Oui, mais je t'ai dit que j'avais toute ma famille. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes dans une boîte, c'est ça? Dans une cuve? Bonjour, ou... une couscoussière. Vous vivez dans une cuve. Oui, le cousin, je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Gilles-Frissois. Je t'entends pas, je ne t'entends pas, j'ai l'impression que vous êtes dans une salle de concert. Putain, mais ils sont cons. Gilles-Frissois. Oui, je t'entends. Gilles-Frissois. D'accord. Voilà, j'y suis les cousins d'aujourd'hui. Oui. Je travaille directement dans l'Europe occidentale également. Tu travailles dans l'Europe occidentale. Oui, tout à fait, du côté des Japonais. D'accord. Voilà. Et bon, vas-y, mène-toi, là. Ils sont saoulés les deux, là, les Gilles-Louis. Bon, maille-toi, il y a une autre là, vous croyez où dans mon cousin, c'était un hey, rigolo. Gilles-Louis. Mon cousin, il fait du comique. Oui, je t'entends, Gilles-Louis. T'as oui, pas... mais regarde comment j'ai fait les comiques. Ah, t'as vu ou quoi? C'est visuel, c'est visuel, tout ça chez toi. Bon, allez, cassez-vous d'y aller, cassez-vous d'ici. Les mecs, ils sont cru que l'autre, il fait un pas de danse ou je sais pas quoi chez lui, il croit qu'on va l'entendre à la radio. Mais je sais parce que j'ai des dons de voyance, je suis médium. Voilà, c'est pour ça. Bon, on y va. Qui est là? Un autre auditeur. Allez, on y va vite. Un Thibaut, toi, Thibaut. Ouais, il y a l'autre, là. Un Thibaut, Polo. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Parfois, on se réveille le matin, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Non? Pas vous? Non? Le public est là, ce soir. Qu'est-ce que vous êtes mauvais, alors? Bon, qui est là? Allô, Polo? Ouais. Oui, c'est Jean-Baptiste. Ouais, salut Jean-Baptiste. Alors, moi, je suis ambiance des soirées. Ouais. Hein, voilà. Et comme tu as dit que tu étais en forme, tout ça, moi, je me disais que peut-être tu pouvais passer, parce que là, on va faire la soirée. Ouais, mais soir, non. On va écouter non, les mais ça ira, ça oui. ira. L'année prochaine. On va danser, on va remuer ouais. le corps. Jean-Baptiste. Oui, je t'envoie. Pardon. Micha. On t'envoie Allô Micha. Allô. On t'envoie Micha. Ah oui, là. Allez, casse-toi. Hop là, qui est là pour terminer ce Polo Show? On y va. Ouais, ouais, ouais. J'ai ouais, ouais. entendu dire rien de ta fête, mais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oh, ben, on y va. Vas-y, monsieur, je vous écoute. How are you, my friend? Ouais, I'm fine. And you? I'm fine, I'm very, very well. You want to suck your dick? You want? Attends, you want to suck your dick? Je comprends pas, il y a un problème à un moment donné. Bon, qu'est-ce que tu veux? Oh là, monsieur, vous monopolisez l'antenne. Non, mais moi, je vais rester coincé là, c'est pas possible. Oui, mais oui, c'est ça, c'est ça. Eh, eh, Polo. Quoi? Eh ben, ça fait une heure, j'attends un taxi. Bah, c'est bien, voilà, bah bravo, j'en suis ravi. Bon, tu vas y aller, monsieur? Parce que là, on a autre chose à foutre. Eh ben, je vais y aller où? Eh, Polo. Tu vas prendre ton taxi, tu vas rentrer chez toi. Oui, quoi? Polo, ça quoi? Fait... Ah ben, c'est... je suis à Pimp Street. Pimp Street, ok. Eh, Polo, ça quoi? Fait quoi d'être livré à soi-même? C'est... Bah, ça fait plaisir. On va... Est-ce qu'on peut envoyer le générique de fin puisqu'on puisse se casser tranquillement? Voilà. Je vais y aller. Monsieur Polo? Monsieur Polo? Monsieur Polo? Quoi? Ça me rappelle... Polo? Quoi? Polo. Bon allez casse-toi, Sacha le Polo Show, merci à ceux qui l'ont écouté. Et voilà le retour du Polo Show lundi, non dimanche. Dimanche. Pour le best-of. Non, le best-of. Et heureusement c'est Polo et Pedro qui s'y colleront pour le best-of. Hein, voilà, nous on sera de retour lundi, j'espère. Bon ça va, hein, ça me laisse. Ah tu vas prendre du sirop, ça va aller. Je te confirme, hein, du sirop. Et un puis, suppôt et au lit. Ah tiens, foudrais ton suppôt. Bon voilà, on se retrouve lundi à 21h, j'espère, avec le retour de la voix. Sincèrement, secret de story. Ça me fatigue, ça me fatigue. Ouais, c'est chiant ça. À la fin. Ouais. Ça me fatigue. Allez, passez un bon week-end, tout le monde. Amusez-vous bien à lundi 21h. Ciao.